j'ai une question qui me tourmente un peu. Amen. Parce que j'entends les gens dire que Jésus c'est le Père réellement. Amen. Le Père des esprits. Donc nous touchons en plein dans, nous touchons en plein dans le sujet dont je t'avais parlé. Voilà. Et que le Saint-Esprit c'est encore Jésus. Amen. Donc, il n'y a rien comme Père. Donc c'est ça. C'est ça dont je parlais qui m'a donné le sujet. Mais il a reprécisé en même plus clairement. Amen. Là maintenant vous allez bien vraiment manger. Et vous allez marquer le décrit pour ouvrir la Bible. Mais si j'ai dit, vous pouvez vérifier dans votre Bible. Ok. Vous êtes bien assis, frère? Prions. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment glorieux que tu nous accordes. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de nous dire que ce que tu veux. Et que tout ce qui est de toi, Père de gloire, que tu as gardé pour tes enfants, que tu le leur révèles. Que partout, ô Dieu de gloire, ton ennemi, Père de gloire, obscurie la vérité. Je prie, ô Dieu de gloire, que les pans de ces ténèbres-là disparaissent maintenant. Et que ta vérité, ô Dieu de gloire, s'établisse sur le cœur ici, qui rentre béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien suivi sa question. Maintenant, avant de répondre à cette question, je vais revenir sur l'histoire qu'il a racontée. Bon, il vous a dit c'est ici qu'il m'a donné le sujet. Et comme je parlais du don spirituel dans la première partie, là maintenant il a précisé que vraiment, vraiment le vrai problème. Quand il a commencé à raconter, il croyait qu'il devait introduire, ok, c'est de la même façon pour Dieu, c'est comme ça. Il a fait. Il a payé cet arrêté net pour me donner la scène. Alors je prends donc les différentes étapes dont il a dit. Si on interroge les gens dans le monde qui est Paul, il y a d'autres personnes qui n'ont jamais entendu parler. On vient en Afrique, on va dire que c'est le président du pays du Cameroun. On vient au Cameroun, l'autre dit c'est mon président. Tout le monde va se réclamer d'être chez Paul Biya. Parce qu'en fait, dans les bureaux, ça se trouve partout. C'est le culte de la personnalité, c'est l'idolâtrie. C'est même pas le sujet. Avançons, pas vrai? Maintenant, vous allez dans ces proches relations, comme il a dit. Vous voyez, c'est vrai qu'on a quitté du monde. L'Afrique, Cameroun, le président, on a dû s'approcher. Maintenant, on va maintenant. Il est arrivé au niveau de sa femme. Et il n'y a pas plus grande personne, de personne plus proche que savoir que la femme. Vous savez, dans le livre des Juges, chapitre 14, l'histoire de Samson, avec sa femme. Vous avez remarqué qu'on n'a pas pu toucher Samson jusqu'à qu'on ne pénètre sa femme, non? Il a même dit que si vous n'avez pas labouré avec ma jeunesse, vous n'aurez pas su mon secret. Donc, la vraie personne qui connaît le secret de l'homme, c'est la femme. Si on prend donc de la même façon pour Dieu, vous demandez à n'importe qui dans le Dieu, dans le monde que Dieu. D'autres vont dire que chacun a son Dieu. D'autres vont dire que c'est la création des hommes. D'autres vont dire que ce sont les hommes, les blancs qui sont venus avec. D'autres vont dire que moi je n'en crois pas. Pour que je croie, pour que je voie. Alors qu'il croit que l'air existe, il ne voit pas l'air. Amen. Maintenant, vous rentrez maintenant au milieu chrétien, ce qui est Dieu. J'ai pris dans le monde. Ce n'est pas son exemple, c'est lui qui m'a donné le sujet. Alors maintenant, quand on vient au milieu chrétien, vous commencez à voir que les chrétiens ont chacun son de Dieu encore. Avec la même Bible. C'est ici le problème. Alors on rentre maintenant en milieu chrétien. Pour toi qui es Dieu. You who is God. Je suis parce que mon père m'a obligé. I am because my father forced me. Je suis né dans une famille chrétienne. I am born in a Christian family. Ma mère était une fervente croyante. Hein? My mother was a serious believer. Lui, il n'a pas de relation avec Dieu, c'est sa mère qui connaît Dieu pour lui. Mais il se dit chrétien. Vers le 31 décembre. Dans la nuit des traversées. The cross overnight. Toi tu es anglophone, tu ne connais pas ces choses-là. C'est pas vous qui vous crossez chaque jour. Alors, écoutez très attentivement. Ce jour-là, il a le réflexe d'aller à l'église. Le réflexe, parce qu'il est habitué à faire cela. Il sait que chez les chrétiens, les 31, il faut quand même être chez Dieu. Pour effacer les anciennes habitudes, jeter derrière soi. Et entrer dans la nouvelle année maintenant, avec une nouvelle façon. Le premier jour, quand on crie 1er janvier, il boit plus que tout le monde. Alléluia. Voilà la raison qu'il entre dans la nouvelle année. Il dit qu'il a jeté l'ancienne habitude. Déjà ton voisin, tu dois l'être guérisé. Même si vous voulez essayer de vivre bien de la bonne façon, vous essayez de ne plus boire. Vous essayez de ne plus fumer, de ne plus chercher des femmes. Si vous n'êtes pas né de nouveau, ça ne vous sert à rien. On doit naître de nouveau. Amen. Amen. Alors, un milieu chrétien, on se trouve dans les questionnements. Si on pose une question à un chrétien, qui est Dieu? Il dit Dieu, c'est le créateur. C'est pas vrai? Mais là, si on vient dans le corps de Christ, remarquez très bien, j'ai dit milieu chrétien. Le milieu chrétien est différent du corps de Christ. Le corps de Christ selon la Bible. The body of Christ according to the Bible, celle dont la Bible dit virgule, that which the Bible says comma, celle qui est sans tache ni ride. That is without emblemliness. La Bible déclare donc que celle-là est l'épouse du Christ. Alors, s'il faut demander qui est Jésus, il faut demander à son épouse. De la même façon, si vous savez qui est Paul Bia, comme il a dit, il faut demander à son épouse, c'est lui qui connaît ses secrets. Parce que 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16, la Bible nous explique que nous avons la pensée de Christ. L'épouse a la pensée de Christ. Colossiens chapitre 1, verset 27, Christ en vous l'espérance de la gloire. The hope of glory. Alors, la Bible déclare donc que si Christ est en nous, nous avons sa pensée. C'est-à-dire que nous pouvons connaître ce qu'il a prévu pour nous. N'a-t-il pas dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité? Donc, ceux qui sont dans ce corps-là, qui sont baptisés dans ce Saint-Esprit-là, connaissent la vérité. Parce que la Bible déclare que l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. C'est ça, frère? Donc, le Saint-Esprit doit nous dire qui est Jésus, qui est le Père, qui est l'humain. Parce que sinon, vous allez avoir la connaissance des choses historiques. Quand vous allez demander à quelqu'un qui appartient au parti de position comme le SDF, qui est Paul Biya, demandez un peu faire la biographie de Paul Biya. Il va citer tous les mauvais choses que Paul Biya a déjà fait. Parce qu'il est opposant. Son onction lui impose d'être opposant. Il va dire depuis 30 ans, le pouvoir, il a construit quelle route. Pourquoi on n'a pas organisé des cannes de pluie? Lis toute la biographie que vous allez lire de lui. Vous ne voyez même pas un seul sens de ce que celui SD va mentionner. Mais on parle là de la même personne. Amen. Alors là, c'est quand vous lisez pour SD, vous lisez pour RDPC. Ça, c'est l'histoire. Et puis tu as dans 30 ans. And here, dépendant de ce que tu auras sous la main. Depending on l'histoire qui tombe sous la main. The history that will have on your hand. Tu pourras avoir raison de connaître la personne, de dire que tu connaissais l'histoire de la personne. Bien, you know somebody or you don't know. C'est pour ça que le pasteur disait que connaître l'histoire de la chose n'est pas là. Il faut une intimité et une relation. This is why the pastor was saying that knowing somebody You need the relation. Parce que ce que quelqu'un écrit de l'histoire peut être faussé. Because what someone says about a history can be peut être motivé par les intentions mauvaises. Can be motivated by bad intentions. On va dans la presse, on salue les gens là-dedans, on paye qu'on salue les gens. You go to the press and they pay and blaspheme people. Donc si on veut connaître quelque chose de Dieu véritablement, so if you really want to know something about God, il faut qu'on se tienne sur les solides fondements. You need to be on quelque chose qu'on sait que ça ne peut pas nous tromper. Something that we know that we cannot deceive us. Cette chose-là, c'est quoi, frère? What are you saying? Que, pour si on veut parler de Dieu, vous demandez à un catholique, à un protestant, à un témoin de Jéhovah, un adventiste, un pentecôtiste, tu n'auras pas la même réponse, pas vrai, frère? Dans ce cas, il faut interroger qui l'a maintenant, alors que nous sommes là. Who are you going to ask right now? On interroge qui? La parole. Interrogeons la parole. Amen. Amen. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Donc je veux que vous compreniez justement la question qu'il a posée. Parce qu'il a menti. Il a dit que des gens disent que le Père n'existe pas. Pourtant la Bible dit que notre Père qui est au ciel. Cette seule parole-là met hors d'état de nuit le fait que tu dis que le Père n'existe pas. Donc le Père existe, veut dire évidemment. Parce que dans la Bible, on voit plusieurs fois Jésus parler mon Père, mon Père, notre Père, mon Père. Dans Jean chapitre 6, verset 38, il dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Le Père l'a envoyé. C'est amusant comme déclaration. Gardez votre cœur tranquille. Si vous êtes fatigué, vous me dites, on prend des pauses ou bien vous prenez de l'eau pour vivre. Parce qu'on va toucher, on va entrer en eau profonde maintenant. Et c'est pour que vous lisez votre Bible, vous jetez ça par la tête tout à l'heure. Vous êtes prêts? Alors, la question maintenant c'est, qui est le Père? Qui est le Fils? Et qui est le Saint-Esprit? Il faut que cette question-là soit répondue. Et clair. Amen. Il y a une soeur, c'est pas son cas, plusieurs personnes qui m'ont écrit dans le monde en m'appelant, ils me disent que finalement ils savent qui prier. Quand il y a la prière, tellement des enseignements. Il y a tellement des enseignements. There are too many teachings. Quand elle doit prier maintenant, when you want to pray now, elle ne sait plus à qui s'adresser la prière. She don't know to whom she will pray. Et pour ne pas élever l'un des trois, to not get someone angry among the three, et puis d'abord pour le Père. Elle prie, elle dit, d'accord, tu es content, non? Après, elle prie, elle prie pour le Fils. Elle dit, tu es tranquille, non? Puis aussi, elle prie au Saint-Esprit. Pour ne pas créer tous les problèmes de l'histoire. Alléluia. Jésus n'a pas de problème. C'est elle qui a des problèmes. Et en fait, c'est à cause du fait qu'elle a eu des mauvais enseignements. Nous voulons la correction. Ok. Souvenez-vous que je ne connais pas ce que vous avez reçu, mais je vais vous en parler. Et on va lire la Bible. Jean chapitre 1, verset 1 dit, au commencement était la parole. Je veux que vous me dites ce que c'est que la parole. C'est quoi la parole? Oui mon frère, Bertrand. Comment tu peux dire Jésus? Où est-ce qu'on a dit que Jésus était là-bas? Lui, il court déjà rapidement pour arriver, alors qu'on n'a pas encore donné le coup d'envoi. Est-ce que le verset qui dit que c'est Jésus? En lisant, si j'ouvre la Bible la première fois, il dit au commencement était la parole. J'ai dit la question, c'est quoi dans la parole? And I say that in the beginning was the word. Now I'm asking the question, what is the word? Parce que j'ai pas dit qui est la parole. Parce que toi, on sait que la parole c'est une personne. Mais quelqu'un qui l'a vu pour la première fois, le un monde ne sait pas que la parole, la parole c'est une personne. La parole donc c'est quoi? We ask this question, what is the word? Amen, oui, pasteur. La parole, c'est les mots prononcés par quelqu'un, les mots qui sortent de sa bouche. Il a prononcé les mots. The word is. Donc il parlait la parole en expliquant la parole. Something that is pronounced by somebody. Donc tu dis que ce sont les mots qui sortent de la bouche. En disant ça, il donnait sa part, sa parole. Gardez bien cela à l'esprit. Ha. Oui, mon frère. Yes, my brother. La parole même partie de l'écrit par les gens et par la parole fait partie de l'écrit que nous enseignons dans l'esprit et l'esprit passe. Ok, maintenant on dit au commencement, était la parole. In the beginning was the word. Avant qu'on écrive là, before the right, il y avait la parole. There was the word. Mais on a dit au commencement était la parole. Au commencement. Oui, il faut dire quelque chose pour qu'on puisse écrire quelque part. Nous sommes d'accord. Voilà. Si y avait un journaliste, il m'a fait le compte rendu de cette journée. Il m'a dit que le frère Julien est venu ici à 10h exactement. Alors que cette personne faisait telle chose. Il a donné le compte rendu. Mais avant que de mettre ça, avant que de faire ce compte rendu, les événements là se sont passés. Donc, je veux que vous gardez bien les mots que je suis en train de dire parce que c'est long. C'est ça que je veux dire doucement. On dit donc au commencement, n'est-ce pas? Était la parole. Ok. Dans l'autre version, on dit des verbes. D'accord? C'était des verbes. Alors maintenant, la Bible vous claque au commencement. Je vous pose la question, quel commencement? Vous lisez la Bible, non, frère? Vous citez votre témoin de Jéhovah, non? Vous avez souligné l'amour de Dieu, là. Vous avez coloré, non? Alors, quel commencement? Puis, frère? La création au commencement à la création. Donc, nous trouvons à la création. Oui. Ok, si nous trouvons à la création, avant cette création-là, la parole était? Oui. Donc, on dit qu'il y a un autre commencement que ce commencement-là. Oui. Hein, frère? Oui. Suivez attentivement. On dit qu'au commencement était la parole. Et il dit que c'était le commencement de la création. Donc, quand Dieu voulait dire, vous prononcez quelque chose. Avant qu'il le dise, vous prononcez quelque chose. Même avant ça longtemps, il y avait toujours la parole. Il y avait toujours la parole. Vous aurez le problème ce soir. Je vous le dis. Vous aurez des. La parole était à l'intérieur de celui qui va prononcer. La parole était à l'intérieur de celui qui va prononcer. Applaudissons pour lui. Applaudissons pour le pasteur. Alléluia. Amen. Donc, la parole. Regardez bien, je suis en train de parler. La parole se trouve à l'intérieur de moi. La loi qui s'est mise. Ce verset dit que et la parole était avec Dieu. Ce verset est là. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Ma parole est avec moi. Vous voyez deux personnes, frère? Hein, frère? Il dit au commencement. Avant qu'il dise, frère, je vous aime. Vous venez d'entendre cela. Avant qu'il prononce, c'était où? Vous avez vu ça, il y a moi ça et l'autre moi aussi. La parole était avec Dieu. Les gens voient Dieu parce qu'ils l'ont vu avec. Je suis avec ma parole. Avant qu'il ne prononce, il a sa parole. Il est avec sa parole. Avant qu'il ne relâche maintenant pour qu'on puisse entendre la manifestation. Maintenant le verset finit par et la parole était. Donc finalement, le verset ne dit pas qu'il y a deux personnes. N'est-ce pas, frère? Ça résout d'abord le problème, un grand problème, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas deux personnes, un grand Dieu, un petit Dieu là-bas, comme la version qui mène à l'époque, c'est mon nouveau Dieu. Et donc, dans Jean chapitre 1, donc, on commence à parler que elle était au commencement avec Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans nouvelle. Donc, ça veut dire que c'est elle qui a créé, vrai? Elle, la parole qui a. Mais maintenant, lorsque vous ouvrez Genèse chapitre 1, verset 1, on dit au commencement, qui créa les cieux et la terre? Dieu. Ici dans Jean chapitre 1, on dit qui a créé? Maintenant on dit non, la parole s'est faite chair. On dit la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. Je recommence encore la question, qui a créé? Genèse 1 dit qui a créé? Jean 1 dit que qui a créé? La parole est habitée parmi nous. Qui est habité parmi nous? Dieu. Alors qui est le créateur? Dieu. Faites attention avec Jésus. Jésus Christ est Dieu. Avec ou sans la Bible. Alors, la personne qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Que vous appelez Dieu. C'est lui qu'on appelle Yeshua. Il est venu au milieu des hommes pour prendre un nom. Il a fait son tabernacle au milieu de nous. On arrive, je vais venir au niveau du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on va aller doucement. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Je connais toutes les questions que vous pouvez poser là-dessus. Je connais tous les versets que vous pouvez commencer à dire. Que il priait donc qui à la croix. Quand il dit mon Père s'adressait à qui? Quand il était enfant, il dit, on arrive, d'accord, Frère? On arrive. Alors, nous avons convenu que la parole et Dieu, c'est la même personne. Normalement, ça devait régler le problème, puisque la Bible déclare qu'elle est venue chez les siens et les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas ça. Le verset 9 du chapitre 1 l'a dit qu'elle était la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, chapitre 1, verset 1 dit elle, la parole. Après, on dit que c'est en elle était la lumière des hommes. Cette lumière est la véritable qui en venant dans le monde éclaire tout homme. On parle au féminin. Puis on dit qu'elle est venue chez les siens. Elle, la parole. Parce que c'est la parole qui engendre. La Bible dit que nous avons été engendrés non pas par une manière vraie, pas de l'argent, mais par la parole vivante et permanente. Not by money, but by the living word, living and permanent. Vous entendez, frère? Dans Jean chapitre 6, on va y revenir. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas qu'il a la vie. Il dit qu'il est la vie. Vous entendez cela? Pour que quelqu'un soit la vie, il faut qu'il soit Dieu. Parce que Dieu qui est la vie. Lui n'a pas eu un commencement. Jésus n'a pas eu un commencement. Hébreux chapitre 7 dit de lui que c'est Melchizedek. Est sans père, sans mère, sans généalogie, sans commencement de vie, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est mais c'est des demeures sacrificateurs à perpétuité, dit la Bible. Il n'y a pas deux personnes qui soient éternelles. Vous savez, vous êtes sa frère. Il n'y a pas deux personnes qui soient éternelles. Il n'y a qu'un seul éternel. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si vous me suivez. Donc, il faut que la personne qui craint n'ait pas été créée. La parole n'a pas été créée. The word was not created. Elle a toujours été. It has been. Quand Dieu était silencieux, il était quand même Dieu, non? When God was silent, quand il a commencé à parler, il était Dieu, non? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, dit la Bible. Amen. On va aller doucement. We are going to go gradually. Donc nous avons convenu que in the beginning was the word. Just as you have accepted. Amen. Okay. Alors elle s'est fait chair. It makes flesh. Maintenant, quelque chose va se passer à partir de 325 au conseil d'initié. Something is going to happen. Something happened. Something happened. In the year AD 325. Donc, au conseil d'initié en 325, que Constantin avait appelé, during the AD 325, c'est là où la doctrine a été embrouillée. That is where the doctrine was troubled. En ce temps-là, il y avait le combat entre le Christ substantiel, co-substantiel, co-éternel, avec Arius et tous les autres. L'Église catholique a sorti la fameuse doctrine de la Trinité. Dans la confession des dogmes, ce que vous appelez la confession des apôtres. Qui n'a rien, on appelle ça le credo des apôtres, qui n'a rien à voir. Avec le Dieu païen, je crois que le moment venu, on va parler particulièrement sur la Trinité. Si vous lisez la Bible à la manière historique, vous allez croire qu'il y a ces trois choses-là mentionnées dans la Bible. Qui a Dieu le, Dieu le, Dieu le. Vous allez voir dans la Bible Dieu le Père, mais il n'y a pas Dieu le Fils ni Dieu le Saint-Esprit dans la Bible. Ça se trouve pas. Ça se trouve pas. Il y a Dieu le Père. Il y a le Fils. Il y a le Saint-Esprit, mais pas Dieu le Fils, pas Dieu le Saint-Esprit. Il y a un point. Amen. La question maintenant, c'est que qu'est-ce que la Bible appelle par Père? The question is, what does the Bible call the Father? Qu'est-ce qu'on appelle Fils? What does it call the Son? Qu'est-ce qu'on appelle Saint Esprit? What does it call the Holy Spirit? Le fameux verset que tout le monde connaît à l'école du dimanche. The famous verse that everybody knows on the Sunday school. Jean 3, 16. John 3:16. Dieu a tant aimé le monde. God has so loved the world. Qu'il a envoyé. That he gave. Son Fils unique. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui ne connaît pas ces versets ici? Vous ne connaissez pas. Mais maintenant, dans notre pensée, on voit un père comme le papa qui envoierait son fils aller faire quelque chose, pas vrai? Avant cela, je vais poser une question. Tous ceux qui sont les fils de Dieu, s'ils levez vous. Si vous êtes fils de Dieu, vous savez que vous êtes fils de Dieu. Levez-vous, je vous pose la question. Si vous n'êtes pas fils de Dieu, vous sortez parce que vous n'avez pas de place. Vous êtes fils de Dieu, frère. Levez-vous donc. Voilà. Donc, vous êtes d'accord que vous êtes fils de Dieu. Ouvrez votre Bible encore dans Jean 3, verset 16. Il faut que chacun regarde. Jean, chapitre 3. John chapter 3. Que Dieu notre Père vous bénisse. Jean chapitre 3, vous y êtes. Oui. Regardez encore le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Asseyez-vous encore, frère. Dieu a combien de fils? Vous avez dit que vous êtes qui? And who have you said that you are? Oui, frère. Enfant de Dieu. Tu commences à fuir, hein? Donc, tu n'es plus qui de Dieu, tu es enfant de Dieu. Mais la Bible déclare dans Galates chapitre 3 que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le mot qui fuit, le mot là, tu vas entendre ça là-bas. La Bible dit dans Galates chapitre 3, tu disais verset 28, verset 29, il dit que vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oui ou non? Je recommence encore, vous êtes fils de Dieu, oui ou non? Dieu dit là-bas qu'il a commis les fils. Hein? Vous êtes donc quoi? Où are you? C'est pour cela que il ne s'agit pas de prendre les renseignements que d'autres disent. Vous devez aller dans la Bible. Je vous montre seulement ce petit problème dans la Bible. Vous comprenez. La Bible n'a pas de problème, c'est notre compréhension à cela qui est le problème. C'est pour ça que je vous ai amené ici. De deux choses l'une. Soit vous êtes fils de Dieu. Et le verset la manque. Non, soit vous êtes fils de Dieu. Vous êtes, nous tous sommes fils de Dieu. Et dans ce cas, le verset n'est pas de manquer. We are all children of Son of God. Is this verse line? Puisque le verset dit que Dieu a tant aimé le monde, a donné son fils, quoi? Oui. Quand on dit que quelqu'un est unique, ça veut dire quoi? Donc vous êtes donc illégitime. Donc ça veut dire que vous avez usurpé un fils qui ne vous appartient pas. Pourtant, nous savons que nous sommes des fils de Dieu. Dans ce cas, si la vérité c'est que nous sommes fils de Dieu, et que voici aussi la vérité que Dieu a un seul fils, il faut qu'on définisse donc ce que la vérité fils de Dieu. C'est ça le problème. Quand on va résoudre le problème, si on va voir que ni toi tu n'as pas menti, ni la Bible n'a pas menti, on va se demander Amen. Alors maintenant, regardez très attentivement. La façon que la Bible, j'ai dit que quand si vous abordez la Bible de façon historique, comme les historiens le font, vous allez sortir avec des bosses et des cheveux blancs même sur les dents. Mais si vous allez avec la simplicité de cœur, en disant Seigneur, on a dit telle chose, je suis embrouillé. Je veux que toi tu me guides. Il va te conduire dans la vérité. Mais si vous venez dans la Bible en disant que je connais tes doutes, il faut qu'il cherche à soutenir, vous aurez un problème. Alors maintenant, c'est quoi fils unique de Dieu selon la Bible? Fils unique ne veut pas dire comme en français le seul fils. The begotten son, just like in English, does not mean that the only. Vous voyez comment c'est celle-là, baisser la tête à même façon de dire la chose. Vous voyez, parce que si vous lisez, si quelqu'un qui a fait le français, la langue française, il va dire que non, c'est normal. Le langage de Dieu est différent. Et pour vous montrer cela, ce n'est que la Bible qui va résoudre ce problème-ci. Genèse. Ouvrez Genèse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Il me sent à l'aise. Vous voyez que je vais doucement, n'est-ce pas? Il dit, on va aller en eau profonde aujourd'hui. Donc, l'expression fils unique de Dieu, nous nous trouvons là où Jésus il a donné son fils unique. Donc, c'est le seul qu'il avait, il a donné. Et vous, vous dites que vous êtes fils de Dieu. Ou bien vous dites, il n'y a pas encore le fils de Dieu. On ne va pas y être dans Genèse. Chapitre 22. Chapitre 22 de Genèse. Ah, Dieu de gloire. Pasteur, est-ce qu'on peut lire les versets 1, 2 et 3? Can we read verses 1, 2 and 3? Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Il y a tellement ramifié. Donc je suis en allé doucement, pour qu'on touche les points essentiels. Allons-y. Genèse 22, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu dit à Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Venez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Vous avez vu ce qu'il a dit là, hein? Je crois que c'est frère là, le verset de Témoin de Jéhovah, il ne va pas s'en sortir là. Alors, écoutez très attentivement. On dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et voici l'épreuve qu'il lui a donné. Voici l'épreuve. Prends ton fils, virgule, ton unique, celui que tu aimes, virgule, qui s'appelle Isaac, va et sacrifie-le. Vous voulez voir que Isaac est le type parfait de Christ. Isaac is the particular son of God. L'enfant de la promesse. The child of the promise. Celui qui vient par la parole. The one that comes through the word. C'est le type parfait de Christ. It is the promised child of Christ. Il faut qu'il se soit donné en sacrifice. He needs to be given as sacrifice. Mais le vrai problème ici, c'est qu'à la naissance d'Isaac, at the birth of Isaac, Ismaël avait 13 ans. Ismaël had 13 years. Sortant de Abraham. Mais Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Comment? How? Il y a Ismaël. On dit fils unique. Vous comprenez donc que fils unique, c'est pas au sens de notre mot. The only begotten son is not what we think. Vous avez saisi maintenant, frère? Alors donc, ça veut dire que fils unique, quand Dieu utilise son langage à lui, ça a la signification de l'expression de l'amour. It has the significance of the expression of love. L'enfant que tu as mis ton cœur sur ça, comme on dit. The child that you have put your heart to. Celui qui a n'importe quoi, si la maison de ou si c'est Daddy, tu as dit Daddy est où, même si tu as 7 fils. The one that even if your heart is on fire. Même si les autres fils sont de la grande, tu dis où est mon Daddy. Où c'est le quoi? C'est lui dans cette histoire. C'est ce d'amour que le père a pour un enfant particulièrement parce que il y a quelque chose à voir qu'on ne peut pas expliquer. C'est ce que Dieu appelle fils unique. Ça va maintenant? Donc quand Dieu dit que fils unique, ça ne veut pas dire que c'est le seul qu'il a. Unique son, it is not the only son that he has. Amen. Voilà. Jusque-là, ça va, n'est-ce pas? Alors maintenant, en quoi est-ce que Jésus est donc fils de Dieu? Now, in what is Jesus Christ the Son of God? Pourquoi on l'appelle fils de Dieu? Why do they call him Son of God? Si vous dites que c'est parce que il a touché Marie, il a fait ton. Je vous avais dit que Marie c'est la femme ou c'est la femme de catholique que Marie est la mère de Dieu. Et si vous acceptez que Marie est la mère de Dieu, vous allez devoir donner le Père de Dieu. Mary is the mother of God, therefore you will give us the Father of God. Parce qu'il n'y a pas de mère. Père. Because there is no father, no mother. Vous voyez le problème dans le monde, n'est-ce pas? Donc, Marie a accouché Jésus sans accoucher Dieu. Before, Mary has given birth to Jesus without giving birth to God. Jésus était Dieu. Jesus was God. Est Dieu. Jesus is God. Sera toujours Dieu. Will be always God. Mais Marie a accouché Jésus. But Mary gave birth to Jesus. Pas Dieu. Not God. Je ne sais pas si vous pouvez saisir le langage. elle a accouché l'enfant Jésus. Elle n'a pas accouché Dieu. Parce que avant que c'est Dieu qui l'a créé. La question c'est pourquoi on l'appelle fils de Dieu. Maintenant, moi je pose la question. Quand vous dites Jésus est fils de Dieu, vous voulez dire quoi au juste? Now I ask the question. When they say son of God, what do you? Donnez le micro. Je veux qu'on parle parce que c'est en fonction des pierres, des pierres que je vais vous répondre. Oui, frère. Oui, je crois que celui-là est bon là. Ok. Oui. Pourquoi on l'appelle fils de Dieu? On l'appelle fils de Dieu selon moi parce que il est sorti de Dieu. Quand il dit sorti de Dieu, ça dit quoi? Parce que si nous regardons à d'où nous venons, oui. Nous venons de la poussière. Oui. Donc la terre est notre père. Donc on a été fabriqué à partir de la poussière. Donc on a été fabriqué de la terre, notre père, frère. Donc la terre est ton père. Le Father. Bon, prenons la personne, l'esprit. Oui. Moi, l'esprit. Oui. Mon esprit vient du souffle de Dieu. Oui. Même pour un sorcier. Oui. C'est une partie. De Dieu. Oui. Maintenant, si tu es un enfant, cet enfant-là vient d'où? Par rapport à toi. Il sort de toi. Donc, si tu es un enfant, on dit que c'est le fils de tel. Donc, parce qu'il est sorti de toi. Voilà. Jésus, maintenant, on l'appelle fils de Dieu. Il est sorti de qui? Il est sorti de Dieu. Comment? Par la parole. Vous allez avoir un problème aujourd'hui là. Il est sorti de lui comment? Ah, on parle la parole parce que Dieu a déclaré oui. Que le Saint-Esprit va venir. Oui. Par ce tout en apparence dans le monde. Oui. Si on ne cherche pas après ce tout en apparence avant. Des origines. Oui. Donc, il a dit le Saint-Esprit viendra sur toi oui. Et tu vas concevoir. Oui. Donc la parole est venue et l'Esprit est venu accomplir ce que tu fais. Donc le Saint-Esprit vient sur elle comment? How does the Spirit come in her? Parce que l'Esprit peut venir sur moi, je prophétise. Because the Spirit can come. Quand ça vient sur moi, pourquoi il n'accouche pas Jésus? And when it comes to me, why do I not give birth to Jesus? La Bible déclare que cette personne qui est saisie de l'Esprit de Dieu, non? Oui. Quand c'est cette celui qui accouche, ça dépend de la mission pour laquelle l'Esprit vient. Donc il vient sur toi. Il vient pas pour les mêmes raisons. Voilà. Donc, l'Esprit vient sur moi. Je peux faire une chose. Il vient sur Marie. Marie, plutôt bonsoir. Oui. Ça dépend de la mission qui lui est assignée. Allons-y. Matthieu, chapitre 1. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous allez lire la Bible. Nous avons compris ce que c'est que fils de Dieu, n'est-ce pas? Fils unique. Fils unique, ça ne veut pas dire qu'il est le seul. Ça veut dire que c'est l'expression de l'amour. D'accord? Matthieu chapitre 1. Verset 18 dit, voici de quelle manière arrivant la naissance de Jésus. Vous direz, Amen. Oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. How came the birth of Christ? Marie, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Les gens, oui, celle-ci, elle est dans Genèse, elle a été cherchée. Donc, on va finir là, elle n'a pas ouvert. Oh, je veux que vous voyez cela. Ça y est. Donc, restez à côté de quelqu'un où vous lisez la Bible avec cette personne. Verset 18. Oui. Allons-y. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Oui, continuons. 19. Joseph, son époux, qui était un homme de Dieu et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Oui. Quand il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Stop. Donc l'enfant Jésus vient de... Donc, qui est son père? Le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans ce cas, on va continuer la Bible, vous aurez des problèmes. Parce que chaque fois il dit mon père, mon père, mon père, mon père. Donc et là on voit clairement que son père c'est le. Donc on dit que le père c'est le. Sinon vous aurez encore, Jésus, vous avez dit que Jésus a deux pères. On a dit l'enfant qu'elle a conçu. Vient du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est le Père du Seigneur Jésus. Donc quand il dit mon Père qui est au ciel, il parle de qui? On arrive. Il dit on arrive. Si vous lisez Jean chapitre 4, le verset 24. La Bible déclare que Dieu est esprit. The Bible declares that God is a spirit. Et ceux qui adorent Dieu dans l'adorer en. Et en vérité, parce que Dieu est esprit. Ils sont là les adorateurs que Dieu recherche. N'est-ce pas? Dieu est esprit. Vous avez le sirop pour commencer à noter parce que les versets sont plus exemples, ça va se sortir. Il dit, j'ai les versets là sur le cœur, ça va commencer à sortir. D'accord? Alors Dieu est esprit, parce que Dieu a l'esprit. God is spirit. D'accord? La Bible déclare que ton nom soit sanctifié. La Bible appelle notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Quel est ton nom qui doit se sanctifier? Dans Jean 17, il dit que je leur ai fait connaître ton nom. Ils ont reçu ton nom. Le témoin Jéhovah dit, je suis disait que c'est Jéhovah, c'est Jéhovah. Si c'est ça, si c'est même ça son nom, c'est que dans l'Ancien Testament on nous reconnut. Jésus n'est pas venu pour dire que sache que Dieu est Jéhovah. Hein. Tu es à terre. Tu es à terre. Il dit oui. Il dit Père, ils ont reçu ton nom. Il faut la délivrance au témoin de Jéhovah. Donc il dit que je leur ai fait connaître ton nom. I have made them know your name. Avez-vous vu un endroit où je suis enseigné à dire que le nom du Père est tel? Alors, qu'est-ce que veut dire connaître le nom du Père? What does it mean by knowing the name of the Father? Et quel est ce nom-là que Jésus a fait connaître à ses disciples? And what is that name that Jesus has made his disciples know? Oui, frère. À mon avis, c'est la manière de vivre. La manière de vivre. Amen. Donc quand on vit d'une certaine manière, on connaît le nom de Dieu. Ça fait que tu connais le nom de Dieu. On va avancer, ne vous inquiétez pas. Vous allez lire votre Bible. Vous allez lire la Bible. Amen. Alors la Bible déclare ici que Marie s'est trouvée, était enfiancée à Joseph avant qu'ils n'habitaient ensemble. Elle est devenue enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Joseph savait qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Et la Bible dit que, sachant qu'il était un homme de bien, ne voulant pas la diffamer. Elle a dit Marie. On a dit que vous les femmes vous êtes très dangereux. Je veux que vous restiez à la position de Joseph un peu et puis quelque chose qui n'a jamais arrivé. Et que la fille te dit que je ne t'ai pas trompé. Tu regardes le visage, tu regardes le ventre. Tu regardes la logique scientifique. Tu dis Marie. Écoutez, c'est pour ça que c'est le ciel qui devait décider de Joseph. Même si c'est un prophète qui venait vers lui, que ainsi parle le Seigneur. Marie est enceinte, c'est le Saint-Esprit. Il m'a dit que c'est sûr que tu as relâché son père, il a dit que tu l'as trompé. C'est parce que Dieu a voulu faire ça lui-même pour que c'est lui qui convainc Joseph. Parce qu'il n'y a pas de logique qu'une femme soit enceinte sans ne pas coucher avec un homme. Est-ce que tu veux, frère? La Bible dit qu'il pensait secrètement, je vais rompre, quand un jour qu'il est sorti ici. Il dit qu'il vient au travail, il va nous comme voir. Il pensait, Dieu a vu son cœur. L'ange lui dit que Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Il dit effectivement que c'est vrai que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Puis Dieu nous donnait des songes pour nous guider. Afin qu'on ne prenne pas de mauvaises décisions. Amen. Alors l'ange dit, cet enfant-là vient du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dire le contraire plus que la Bible. Là, littéralement, c'est écrit que le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Vous montez le corps, vous descendez, c'est autorité, c'est la Bible. Alors, les deux choses l'une. Soit vous dites que Jésus, son vrai père, c'est le Joseph. Ou c'est Dieu le Père. Ou bien c'est le Saint-Esprit. Donc soit il a trois pères. Mais ici on ne dit pas que c'est Joseph. Parce que Joseph dit clairement que ce n'est pas son enfant là-bas déjà. On est venu nous dire qui est le vrai père. Parce que dans sa méditation, c'est que cet enfant vient de quelqu'un. Là, je nous dis que ce n'est pas un être humain qui a donné cet enfant. Parce que si c'est un être humain, il a le droit d'après la Bible de divorcer. Mais comme un être humain ne l'a pas touché, il a dit, oh, dans mon corps est encore là. Amen. Mais ce qui reçoit là-bas, c'est que d'abord, le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus. Mais vous ne verrez nulle part dans les évangiles où il a dit que Saint-Esprit, tu es mon Père. Là, c'est son acte de naissance ici. On a dit nom du Père. Deux points. Saint-Esprit. Né de la mère. Marie. Quelqu'un n'a pas deux actes de naissance, c'est un gars de Kumba. Nous sommes d'accord. Je recommence encore l'acte de naissance de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1, il dit que le nom de son père, c'est le Saint-Esprit. D'accord, frère. Maintenant, il y a des pères qui ont plusieurs styles de noms. Peut-être nos pères, c'est pas qu'on dit la voiture, ses camarades, on l'appelle pas forcément, on dit boum. Quand on dit Mbom, c'est quand même lui. Parce que quand il rentre à la maison, l'enfant ne l'appelle pas Mbom, il dit Dad. Mais peut-être que c'est toujours la même personne. Quand maman lui dit que chérie, parce qu'elle veut quelque chose le soir, chérie, c'est la même personne. Chérie, c'est la même personne. Donc, même comme le nom de son père est écrit sur son acte de naissance, Saint-Esprit, pour l'appeler chaque fois, il dit Père. To call him all the time, c'est suffisant pour montrer que la personne qu'on appelle Père, c'est le Saint-Esprit. Je vais vous en donner 2, 3, 4, 5, 6, 7 versets pour vous voir que c'est lui dont il est question. La première chose à savoir, c'est que vous comprenez d'abord un. Que le Saint-Esprit est omniprésent, omniscient, oui ou non. Donc il est Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui a cette propriété. Il n'y a une seule personne qui a ces attributs. L'attribut d'être omniscient, d'être omniprésent, ce n'est que Dieu qui l'a. Donc le Saint-Esprit, c'est un autre nom de l'Esprit de Dieu. C'est un autre nom de cette personne qu'on appelle Père. C'est pour celui qu'on appelle Dieu. Vous voulez qu'on aille à la Bible, frère, hein? Romains chapitre 8. On arrive. Mangez doucement, on arrive. Romains chapitre 8. On mange doucement, pas vrai? La Bible nous déclare qu'il faut qu'on grandisse dans la connaissance de Dieu. Vous devez savoir quel Dieu vous servez. Quel Jésus vous servez. Pour d'autres, les Jésus encore sur la croix. Quand ça ne va pas lui-même construire sa part de Jésus quelque part dans un coin. Il parle un homme béni, c'est Jésus qui est sur la croix. Il part déposer quelque part. Quand il a problème, il vient s'asseoir là-bas, il nous guette. Et c'est pas que celui qui a la croix cherche qui va l'enlever là-bas. Quelqu'un est là-bas, ses deux mains sont calées, ses deux pieds sont calés. Si le feu brûle là-bas, tu ne l'enlèves pas, il va brûler. Toi tu marches. Si il y a feu, tu vas fuir le thé là-bas. Et tu viens venir, tu dis délivre-moi. Si il parlait, il devait dire enlève-moi et moi il te délivre. Déjà ton voisin connaît le Jésus de la Bible. Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vient se soumettre là-bas. Amen. Oui. Est-ce que tu parles concernant, comme je vous ai dit, ou comme tu as dit que le Saint-Esprit, c'est pas le mari de Jésus, là. Non, le Père. Le Père. Oui. Donc, maintenant, moi-même, j'ai choisi d'appeler l'homme de Dieu, Saint-Esprit. Parce que tu vas grandir que Dieu a ta vie, ça te fait beaucoup de choses. Bon, ok, est-ce que tu peux appeler ton mari Jésus? Can you call your husband Jesus? Donc, ton mari est Jésus Christ alors? Your husband is Jesus. Donne-lui le micro, mets le micro. Well, I call Jesus. Bon, demandons à ton mari. Alors, est-ce que si ta femme t'appelle Jésus, t'as envie de faire accepter ça? C'est vrai, c'est que c'est la personne même qui a répondu, n'est-ce pas? Amen. On arrive. C'est que l'un des effets, là, touche une autre doctrine que si on a le temps, on va développer. La doctrine de la confession de la foi. The doctrine of the confession of the faith. Qui implique les hommes dieux. Which implies those who call themselves God. Quand il y a des personnes qui disent, nous sommes des dieux. En prenant la Bible dans le livre des psaumes 92, verset 2. Où le Seigneur dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Dieu, Dieu très haut. Mais c'est pendant que vous mourrez comme des hommes. On développe toute une doctrine, des doctrines en disant que sachez que vous êtes des dieux. Donc là on en revient, on va avec cela. Donc nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus, parce que chacun a son nom. Quand on t'appelle, ça ne veut pas que tu sois égal de la personne. Ça ne veut pas que tu sois la place de la personne. Tu as ton nom, tu as un rôle, c'est ton rôle que tu dois jouer. Amen. J'ai dit qu'on prend Romains chapitre 8. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est un choc maintenant. Là, vous avez déjà lu Romains, là. Vous avez mis les bics là-dedans, nous allons lire doucement. Remarquez ce même que tout ce que je vous dis, c'est dans la Bible qu'on va prendre. Il ne dit pas qu'on se détranche. Parce que la révélation de Dieu, c'est déjà écrit là-dedans. Verset 9, allons-y. Écoutez bien attentivement. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, oui. Mais selon l'esprit. Oui. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Stop. On dit que la condition pour qu'on ne vive pas selon la chair, c'est quoi? C'est que l'esprit, tout le monde, l'esprit de Dieu habite en vous. Donc pour que tu ne vives pas selon la chair, il faut que qui habite en vous? L'esprit de Dieu. Continuons la lecture. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Stop. Il faut avoir l'esprit de qui? L'esprit de qui? Christ. Ah, on a dit quoi? L'esprit de Dieu. Continuons ce qu'on a lu. Il ne lui appartient pas. Continuons. Dix. Et si Christ est dans vous. Stop. Si qui est à l'intérieur? Christ. Précisément, là, c'est l'esprit de qui? De Dieu. Précisément. L'esprit de Christ. Ah, encore plus, on a dit c'est l'esprit de qui? L'esprit de Dieu. Continuons seulement, allons. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Oui. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Continuons. Onze. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Stop. Habite en vous. C'est, maintenant c'est l'esprit de celui qui a ressuscité de Jésus d'entre les morts. Habite en vous. C'est plus dans nous que ça doit habiter tout ce qu'on a ressuscité là. Oui. Continuons. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Continuons. 12. Ainsi donc, frère, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Maintenant, je pose la question. Combien d'esprits on a nommé là-bas? How many spirits have been named? 4. Parmi les 4, vous avez reçu lequel? Among the 4, which one have you received? Alors, tu as 4 esprits, frère. Oui, puisque les 4 sont 1. Donc, chaque question de soi, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit. On n'a même pas mentionné le Saint-Esprit là-bas. Oui. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Oui. Donc, il manque le Saint-Esprit. Ça va faire combien? Combien, frère? Plus ton propre esprit, ça fait combien? La personne qui a six esprits, c'est l'esprit, on va le diminuer. Vous voyez la Bible, n'est-ce pas? Oui. Donc, si vous ne mettez pas la Bible dans l'harmonie, vous allez avoir des problèmes ici. If you don't read the Bible in harmony, you will have problems. Parce qu'on a commencé par dire que si l'Esprit de Dieu habite en vous, vous allez marcher selon la chair. C'est ce qu'on a dit. Oui. Donc ça veut dire que dans nous doit être l'Esprit de qui? Puis on dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il faut admettre donc que ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'Esprit de Christ. C'est ce qu'on appelle Christ. C'est l'Esprit de celui qui a ressuscité dans les morts. On l'appelle le Saint-Esprit. Amen. Parce que la Bible déclare, dans 1 Corinthiens 12, verset 13, que nous avons été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Nous avons été baptisés par plusieurs esprits. D'accord, frère? Donc, l'Esprit de Dieu est notre nom de l'Esprit de Christ. Quand tu dis Christ, tu dis Ouan. Ouan veut dire Messie. Ouan, ça veut dire Messie. Anointé. Vous voyez? Alors maintenant, et quand vous dites cela, vous allez dire clairement que vous allez dire l'Esprit de Dieu. Et si vous dites l'Esprit de Dieu, vous allez dire le Saint-Esprit. C'est les noms différents, l'appellation différente de la même personne. Je crois que c'est ses frères. Donc le chrétien est baptisé dans un seul esprit. On appelle ça l'Esprit de Dieu. On dit ne l'attristez pas parce que c'est un être. Parce que d'autres personnes considèrent le Saint-Esprit comme c'est la vapeur. Comme le premier jour, on a écrit dans cette version-là que l'Esprit de Dieu est mauvais partout. On dit que la force agissante de Dieu. Ils appellent le Saint-Esprit la force agissante de Dieu. Donc c'est une chose. Et on nous avons vu que son Père, le Père du Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc il choisit le Père du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est la personne de Dieu. Dieu est esprit. Et quand il est saint, on l'appelle Saint-Esprit. Dieu est esprit. Et quand il est saint, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Esprit. Il est le seul, mais le Saint. Amen. Éphésiens chapitre 4. Que Dieu vous bénisse vraiment. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Écoutez, c'est encore amusant ce qu'on va lire là-bas. Éphésiens 4, 1 à 7. Je vous exhorte donc. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, oui, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Oui. Deux, en toute humilité et douceur. Oui. Avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Oui. Trois, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Oui. Par le lien de la paix. Quatre, il y a un seul corps. Stop. Doucement maintenant. À partir de maintenant. Donc, à partir de Éphésiens 4, les versets 4 à 8, on va aller vraiment doucement. Il y a combien de corps? Un seul. On parle de quel corps ici? Le corps. Voilà. Continuons. Et un seul esprit. Combien d'esprits, frère? Un seul. Lequel? Le Saint-Esprit. Bon, dans ce cas-ci, le Saint-Esprit dépend de l'Esprit de Dieu. Lui, il est où? Donc, il n'y a que un. Non, c'est la même chose. Donc, nous commençons à combattre la même chose. C'est la même personne. Nous sommes d'accord. Alors nous comprenons que Dieu le Père, le Saint-Esprit, c'est la même personne, pas vrai? On arrive sur le moment, vous allez le voir. On avance là. Un seul corps et un Saint-Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Oui. Donc, il y a un seul Seigneur. Stop. Il y a combien de Seigneurs? Vous êtes d'accord avec la Bible? Attends, il y a combien de corps? Un seul corps. On appelle ce corps quoi? Le corps de Christ. Il y a combien d'esprits? Un seul esprit. Enfin, vous ne pouvez pas dire, parce qu'on a dit là-bas, il y a qu'un. Et dans Romains, nous avons lu au moins 4. Vous devez admettre que c'est la même personne, parce qu'on dit qu'il n'y en a qu'un. N'est-ce pas? Ici, on dit qu'il y a un seul esprit. Mais là, ici, maintenant, on dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Un seul Seigneur, oui. Il n'y a qu'un seul Seigneur, frère. On est one Lord. Oui. Il s'appelle comment? Ah oui, d'accord. Comment? Le Seigneur Jésus. Mettez le doigt là-bas, on va aller quelque part. On arrive. Ouvrez le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 10. Deutéronome, chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. Courage, d'accord? Il y a des gens qui se bagarrent jusqu'à que l'autre dit que Jésus n'est pas Dieu. Je ne peux pas croire que là. Mais crois pas, mais il est quand même Dieu. Même si vous cherchez le verset où il est écrit, le Père de notre Seigneur Jésus, il est quand même Dieu. Si vous cherchez le verset comme ça, il va vous en donner. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous y êtes dans Deutéronome chapitre 10. Verset 17. J'ai dit, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux. Oui. Le Seigneur des seigneurs. Stop. On vient de dire qu'il est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur. Who is the Lord of Lords? Apocalypse. Revelation. Apocalypse. Ouvrez Apocalypse chapitre 19. Revelation chapitre 19. Apocalypse. J'ai pas encore touché ma Bible depuis, n'est-ce pas, frère? Donc, bientôt, je vais entrer, moi, je vais toucher ma Bible. Apocalypse chapitre 19. Vous y êtes? Oui. Vous y êtes. Vous voyez que vous oubliez que le temps passe, vous oubliez que vous avez faim, pas vrai? Parce que nous avons faim et soif du Seigneur Jésus. Amen. Chapitre 19 d'Apocalypse, disons le verset 16, allons-y. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il s'agit de qui ici, frère? Le Seigneur Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça, c'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, qui est le Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs? L'Éternel. Éphésiens chapitre 4 dit qu'il y a combien de seigneurs? Un seul Seigneur. Lequel parmi les dieux? Qui est le Seigneur? Les dieux sont le Seigneur des seigneurs. Parmi eux? Ils sont un. Donc, voici l'Ancien Testament. Mmh. Voici le Nouveau Testament. Mmh. Dans l'Ancien Testament, on dit de quelqu'un qui est le Seigneur des Seigneurs. Mmh. Dans le Nouveau Testament, on dit que celui-ci aussi le Seigneur des Seigneurs. Mais on nous dit au milieu qu'il n'y a qu'un. Il n'y a qu'un seul qui est Seigneur. Je pose la question, lequel parmi les deux est donc le Seigneur? Qui est le seul là? Et vous me répondez. Combien de Seigneurs il y en a? Parmi les 1 là, c'est qui parmi les deux? Qui est le Seigneur? Les deux, c'est la même personne. Dans les? Les deux, c'est la même personne. C'est-à-dire que si on dit Seigneur Dieu Tout-Puissant, on en dit Seigneur Jésus. Oui. Donc Dieu Tout-Puissant, c'est le Seigneur Jésus. Oui. Applaudissez pour vous. Amen. Amen. Et nous avons convenu que... qu'il n'y avait qu'un seul esprit. Oui. Nous avons convenu cela. Oui. Nous avons vu qu'il y a un seul Seigneur. Oui. Ok. Et il y a un seul esprit. Oui. Un seul Seigneur. Oui. 2 Corinthiens chapitre 3. Oui. Ne perdez pas épuisé, mais comment il est dit qu'on va jusqu'au verset 8. 2 Corinthiens, je suis en train de lire ça parce que c'est tout proche là des Ephésiens. Oui. Vous êtes dans 2 Corinthiens chapitre 3. Oui. Écoutez très attentivement. Vous allez lire le verset que je vais vous donner. Si vous êtes tout le monde, je vous donne le verset. Verset 16 et 17. Qu'est-ce que ça dit? Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oui. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Stop. Le Seigneur, c'est qui, frère? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Qui était le Seigneur? Où est le Lord? Dieu ou Jésus? Jésus. Jésus est Dieu. Ah, Jésus est Dieu. Oui. Donc, et Dieu est Esprit. Oui. On va arranger les choses. Jean 4, 24 dit que Dieu est Esprit. Et Ephésiens 4 dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. La Bible déclare que Dieu est Seigneur. Donc Dieu qui est Esprit est Seigneur. Et ce Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Et on dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc Jésus est l'Esprit. Il est le Seigneur. Il est Dieu. On est d'accord? Amen. Parce que dans Ephésiens 4, on a aussi vu qu'il n'y a qu'un seul Esprit. Et par contre, quand il y a un seul esprit, on veut dire que l'esprit là, c'est même le Seigneur. C'est pas ça, frère. Donc, nous sommes en train d'arranger le fait que l'esprit, le Seigneur, Jésus, Dieu, ce sont les appellations de la même personne. Pas que les trois sont un, c'est pas qu'il n'y en a pas trois, il y a une seule personne. Vous avez parlé de Paul Biya aujourd'hui. Il est quoi? Il est président de la République. Il est chef de l'État. Il est chef des forces armées. Il est le père de Brenda. Le mari de Chantal Biya. Le président du RDPC. Le président de la commission de tous les anciens corruption du monde. Le premier magistrat. Ce sont les appellations des combien de personnes? Pas que tous les sept là sont un. Non. C'est la même personne qui fait les sept choses là. Amen. Vous avez compris, frère? C'est la même personne. Il n'y a pas que sept personnes sont un. Ça ne donne pas. Parce que une personne a une personnalité. On ne peut pas dire sept personnes sont un endroit marché. Vous allez dire que chaque personne a sa personnalité. On les mélange un sens, c'est de l'embrouille. Mais pour une personne d'occuper des fonctions différentes, il manifeste ses personnalités dans sa personnalité dans ses fonctions-là. Quand Dieu agit dans l'esprit, ce n'est pas la même façon comme il agit dans le Père, dans la fonction du Père. Ce n'est pas la même façon qu'il agit dans le Fils. Ce sont des fonctions différentes de la même personne. Viens encore ton voisin, il n'y a qu'un seul Seigneur. Un seul esprit. Et en fait, le Seigneur, c'est l'esprit. On vient de dire ça, non? Et on a dit, le verset a continué, le verset a continué, et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pas ça qui est écrit, frère? Non, il y a Dieu le Père, Dieu Jésus, vous allez chercher ça où? Si Jésus a son esprit, Dieu a son esprit, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a son pas d'esprit, c'est assez fort là. Vous comprenez pourquoi la personne dont j'ai parlé dans l'exemple aujourd'hui était embrouillée, pas vrai? Continuons dans Éphésiens chapitre 4, nous sommes verset 5. Oui. Oui. Excusez-moi, je voulais demander nos églises là, de oui. Nos grands-parents, oui. Qui nous baptisent au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Eux, ils ont alors amené ça où? Ils ont, la Bible déclare qu'ils ont pris ça chez leur grand-mère. La Bible déclare ça chez leur grand-mère. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 17 que c'est du vin de son intimité que toute la terre a été libre. C'est ça dont il est question. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations des terres. C'est là où c'est venu. Donc toutes les fausses doctrines sont issues de l'Église catholique. Oui, les pentecôtistes ont commencé à porter la robe aussi, non? Ils mettent aussi les croix comme les catholiques, non? Vous avez vu ça dans la Bible? Qui a été le premier à faire? Catholique. Donc toutes les dominations sont issues de là-bas. On continue ici, verset 5 et suivant. Ephésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Stop là-bas. Combien de baptêmes il y en a? Un seul. Lequel? Hein? Lequel de baptême? Le baptême au nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus. Il n'y a que parce que c'est la Bible présente. Continuons. Et un seul Dieu est Père de tous. Au-dessus. Qui est au-dessus de tous. Et en. Parmi tous. Et en tous. Doucement. Il n'y a pas le sel. D'accord, frère? Il n'y a pas le sel dedans. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Alléluia. Vous avez déjà lu ça dans la Bible, non? Je veux que vous entendiez les grandes choses que l'apôtre Paul a dévoilées. Il dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Père de tous. Qui est au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Donc, finalement, c'est Dieu qui est en nous. C'est ça? Oui. Mais la Colossiens chapitre 1, verset 21, on dit Christ en nous, l'intérieur de nous. Finalement, qui est en nous? Dieu, c'est Christ. En fait, la logique amène la partie. Si vous ne faites pas cela, c'est que vous aurez soit le Dieu, soit le Saint-Esprit, soit vous voyez l'embrouille, n'est-ce pas? Avançons dans la lecture. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous entendez ça? La mesure du don, pas de Dieu, mais don de Christ. The measure of the gift of Christ. Je vais traiter pour cela maintenant, c'est que vous allez m'attarder jusqu'à 17h. Mais avançons seulement, avançons. Oui. C'est pourquoi il est dit, étant manipulé en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Stop. Qui est monté en haut? Où vient le Seigneur Jésus? Il a amené les captifs. Qui a fait des dons aux hommes? Le Seigneur Jésus. Continuons la lecture, suivez attentivement. Non. Or, que signifie il est monté? Oui. Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions intérieures de la terre. Oui, écoutez ça attentivement maintenant. Dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Pour faire quoi? Afin de remplir toutes les choses. Quoi, frère? Afin de remplir toutes les choses. Je recommence. Qui est descendu? Le Seigneur Jésus. Qui est monté? Le Seigneur Jésus. On dit, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il descendait et vous montez? On dit, c'est pour remplir toutes les choses. Donc Jésus remplit toutes choses. Oui. Jésus, le petit homme là qui était là remplit toutes choses. Oui. Matthieu 28, verset 20, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il est ici maintenant. Il dit, chaque fois que deux ou trois l'invoquent, en son nom, il est. Il faut que tu sois Dieu pour être partout. Si l'ange Gabriel vient ici maintenant, il se présente, il ne peut pas être là-bas à côté. Il dit, il ne peut même pas être chez le voisin en étant ici. Parce qu'un ange est limité. L'ange est limité. Quand il est à un endroit, il est ponctuellement là-bas. Jésus dit qu'il est partout, tous les jours. Là où deux ou trois sont unis à mon nom, je suis là. Où est-ce qu'il est, frère? Là, ton voisin connaît le Christ que tu sais. Connaît le Christ que tu sais. Alors ici, on dit qu'il est descendu et il est encore monté. Même plus haut que les cieux. On dit qu'en faisant comme ça, c'était pour remplir toutes choses. Il est même comment faire? Comment? Illimité. Illimité. Omniprésent, omnipotent. Amen. Amen. Donc Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Esaïe, chapitre 9. Que Dieu vous bénisse, frère, que Dieu vous bénisse. Donc, je crois que nous avons vu de fond en comble que le Père, l'Esprit, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Le Père, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Seigneur, c'est la même personne. On avance, frère. Nous sommes au chapitre 9 d'Isaïe. Quelqu'un peut-il lire le verset 6? Car un enfant nous est né. Oui. Un fils. Nous a donné. Peuple de Dieu, on parle de qui ici? Nous, avec la famille. On parle de qui? Le Seigneur Jésus. Continuons. Et la domination reposera sur son épaule. Donc, clairement, il est question de Jésus ici, pas vrai? Oui. About Jesus. Allons-y. On l'appellera admirable. Un. Conseiller. Deux. Dieu puissant. Pardon, frère? Dieu puissant. Donc, un enfant est Dieu puissant. Almighty. Père éternel. Donc un enfant est déjà Père éternel. Un enfant. Père de la paix. Amen. Amen. Alors je pose la question. Comment un enfant peut être Père éternel? How can a child be eternal father? Donc quand vous dites non, tu fais qui aussi, où pensez-vous vous avez ça? Our Father who is in heaven, so who do you think you are talking to? Le Seigneur Jésus. Maintenant tu dis maintenant au Seigneur Jésus. Dans Actes des Apôtres chapitre 7, quand on va lapider le frère Étienne. Oui. Ouais, le traducteur a oublié lui même de suivre. Dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Lorsqu'on a lapidé le frère Étienne. Was stoned. Il a levé les yeux. Il dit que voici, je vois les cieux ouverts. Et Jésus debout devant la droite de Dieu. And Jesus standing at the right hand side of God. Vrai, frère? Vrai, vrai. Jésus debout devant la droite de Dieu. Donc voici, supposons que Dieu, qui prend la place de Dieu, d'accord frère? Non, non, ça va tuer, puisqu'on a dit qu'il était assis. Jésus était bien. Donc, Jésus, parce que ça va être sa main droite. Jésus était en bas, il ouvre les yeux comme ça, il y a un tuyau qui s'ouvre. Un tunnel, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Qui a toujours regardé dans le tuyau là comme ça. C'est ce que les gens comprennent. Écoutez très attentivement. Lorsqu'on va lapider et qu'il va vouloir mourir, il a dit qu'il a vu Jésus debout devant la droite de Dieu. Et il a fait une prière. La prière, ça a été dit quoi dans la prière? Il a dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Encore. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est ce qu'il a dit. Lord Jesus, receive my spirit. Donc, dans l'acte chapitre 7, on va prendre ça au sens littéral. Il voit qu'il y a Dieu sur le trône, mais il a voir Dieu. Jésus debout à la droite. Il laisse Dieu, il prie Jésus. Pourtant, il a vu Dieu, il a vu Jésus. Il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et la Bible déclare que c'est Dieu qui reçoit les esprits. Que l'esprit retourne à Dieu. Donc Étienne, à la limite de sa mort, prie Jésus. Prie Jésus. C'est prie Jésus. Pas l'apprécier, mais prier la prière. Voilà. Alors vous remarquez très bien que il y a quelque chose encore qui ne va pas. S'il a vu Dieu distinctement de Jésus et qu'il oriente la prière vers Jésus, il y a un problème. Parce que notre prière à Dieu qu'on a fait notre prière normalement. Pose-toi la question maintenant. Pose la question à quelqu'un. Et Dieu a vu quoi? Qu'est-ce que la Bible appelle par la droite de Dieu? C'est notre enseignement. Parce que la Bible déclare que c'est pas à sa droite qu'il a étendu les cieux. En tout cas, on dit que c'est pas à sa parole qu'il a créé toutes ces choses. Donc la droite manifeste sa puissance. Et si ta question commence à comprendre que sa droite c'est la puissance, c'est celui qui manifeste la puissance. Donc sa droite ce n'est pas une position. Une position géographique. Ce n'est pas une position géographique. Amen. On peut avancer, frère. Les questionnements que nous avons aujourd'hui, les interrogations que nous avons aujourd'hui n'est pas nous. C'est normal qu'il y ait cette discussion. Quand il est né, on l'a amené au temple. La Bible déclare qu'un homme conduit par le Saint-Esprit est venu là. On l'appelle Siméon. Il a pris dans ses bras. Il a prophétisé sur lui. Il dit que cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement. Et être un signe qui apportera la contradiction. La Bible l'appelle pierre angulaire. Si vous lisez, si vous lisez Acte chapitre 4, et particulièrement Matthieu chapitre 21, verset 30 et suivant, la Bible déclare, Jésus dit aux pharisiens, parce que n'avez pas lu ce qui est écrit dans les Écritures, qu'il y a une pierre placée en Sion, choisie et précieuse. Children put in Sion. Alors, la Bible déclare donc que cette pierre-là, celui sur qui ça doit tomber, ça va l'écraser. Celui sur qui va se frapper contre elle, va se briser. Mais celui qui le prend pour refuge, il est le rocher des siècles. Le rocher protecteur. Donc si Jésus tombe sur toi et t'écrase, si tu le colles, tu as les bosses, tu te protèges contre lui, il te protège. Là, ton voisin cherche à connaître le vrai Jésus que tu sers. Vous voyez les militaires, vous voyez les militaires quand ils font au champ de tir. Quand ils tirent contre l'ennemi. Quand il y a une grosse pierre là. Il se dit qu'il baisse, il tire, il se cache derrière. L'ennemi, bon, si n'importe comment ça tape sur la pierre, ça part. Cette même pierre qui l'a protégé. Il est sur la colline, la pierre là vient, il ne voit pas. Cette pierre va l'écraser, il va mourir. Et c'est cette même pierre là qu'il avait protégé de la balle. S'il veut monter sur une montagne, il tombe sur cette pierre. Cette même pierre va brûler ses colonnes. La même pierre qu'il avait protégée. La manière que vous venez à Jésus, il va vous traiter. Donc il est amené, il est destiné à amener la chute et le relèvement. Les gens l'ont suivi plusieurs années. Il leur a dit que je vous ai dit qui je suis, mais vous ne voyez pas. Vous sondez l'écriture, les écritures pour avoir amené la vie. C'est un témoignage de moi. Il dit Jésus, pourquoi tu nous tiens notre esprit en suspens? Dis-nous clairement qui tu es le Christ. Ça n'a pas embrouillé seulement les pharisiens, même les propres disciples. Un jour, ils étaient dans le bateau. Le vent a commencé à amener le bateau. And the wind started bringing. Ils ont dit, maître, nous périssons. And they said, Father, we are perishing. Master, we are perishing. Quand Jésus s'est relevé, when Jesus rose, il a dit à la mer, silence. He said to the wind. Quand la mer s'est calmée, and the sea was, chacun bougeait debout comme ça le regardait. Everybody was trembling. Après, ils ont posé la question. And after they started asking the question, qui est même celui-ci? Who is this man? Que même le vent lui obéit. Donc, chaque fois qu'il se manifestait, les disciples se posaient des questions. Jésus n'était pas seulement un homme ordinaire. Il a vécu en homme ordinaire. Eu faim exactement comme un homme ordinaire. Fatigué comme un homme ordinaire. Parce que sa loi disait que quand tu es sous le soleil, tout a un temps. Il doit respecter sa propre loi. C'est lui qui a dit il n'y a sous le soleil. Quand tu es au-dessous du soleil, il n'y a pas de temps. En dessous du soleil, tout est contrôlé par le temps. Un temps pour aller prêcher comme il prêchait. Un temps pour chercher la nourriture chez sa maman. Un temps pour se reposer. Quand les gens lisent là, que Jésus pleura, Jésus mangea, Jésus buva, Jésus dorma, il se reposa. On dit que vous dites que c'est Dieu. C'est le créateur dans la création. Vous suivez ça, frère? Parce que sa loi à lui dit que quand on est sous le soleil, il y a un temps pour toute chose. Vous entendez ça? Donc les disciples eux-mêmes, ils s'allaient dépasser. Ils se disent que Pierre, comme tu sais que c'est même qui t'a suivi, ils disent que silence, le vent qui dérangeait la maison, ça s'est calmé. Il dit qui est celui-ci? Alors un de ces jours dans Jean 14, alors qu'il veut quitter la terre, il dit que je m'en vais et vous en savez où je vais et vous connaissez le chemin. Thomas dit, ne commence pas à embrouiller les gens. Thomas dit, don't start deceiving people, don't start troubling people. Qu'est-ce qu'il y a? Nous ne connaissons même pas d'abord où tu es. Comment on va connaître le chemin? Et Jésus a dit que vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Comment il peut dire que je suis à quelqu'un? Thomas dit non, on ne connaît même pas d'abord, on passe par où? How will I go? Jésus répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puis il dit cette fameuse phrase. Nul ne veut au Père autrement que par moi. Quand on fait encore comme ça, les mondains, comme ils ont les bureaux et les secrétariats, comme les mondains ont les bureaux et les secrétariats, et directeur a des secrétaires. Il prend cet exemple pour mettre Jésus et Dieu. On dit Jésus est dans un bureau. Il dit Jésus est dans un bureau. Le Père dans le grand bureau. Vous venez voir, par exemple, le Père, il faut vous dire quand Jésus veut voir le Père. Il y a ton voisin qui te faut la délivrance. Amen. Donc on peut comprendre la chose, on dit que nul ne va au Père que par moi. Je pose la question, vous tous vous êtes en Christ, n'est-ce pas? Dites-moi, depuis que vous êtes en Christ, vous allez chez le Père quand? Dites-moi. Vous êtes allé chez lui un jour. Oui. Vous ne pensez même pas que je vais même aller chez lui. Vous priez au Seigneur, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Vous quittez, c'est pas vrai. Alors, maintenant, après il continue dans sa démonstration. Après avoir dit cela, il y a un monsieur qu'on appelle Philippe. Il pose une question merveilleuse là-bas. Il dit Seigneur, ça fait plusieurs années. Tu dis Père. Montre-nous le Père maintenant. Et là nous, ouvrons Jean 14. Ouvrons. C'est la Bible que je t'en ai dit, non frère? Jean 14. Vous y êtes. Aidez quelqu'un à trouver pour qu'on aille vite. Je vous ai écrit pour longtemps. Jean 14. Nous allons lire verset 9. Allons-y. Verset 9. Jésus lui dit. Je pense qu'on peut. Papa, parce que verset 8. Oui, prenons 8. Jésus lui dit. Écoutez bien. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Regardez-moi. Philippe cherche qui, frère? Le Père. Donc, si Philippe cherche le Père, ça montre combien eux-mêmes étaient en Dieu. Il dit, voici, comme tu parles là, voici une dernière qui est, montre-nous le Père. Et on te dérange. C'était le moment le plus important où le Seigneur Jésus devait dire que l'eau voilà, pas vrai. Les autres que Jésus m'a dit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et qui ne m'a pas connu, Philippe. Stoppons là-bas. Qui répond? Qu'est-ce qu'il a dit là? Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe demandait qui? Le Père. Jésus dit que je suis avec vous tous les jours depuis longtemps. Tu ne m'as pas connu. Il dit quoi concrètement là à Philippe? Que je sois le Père. Comment ça dira? Alléluia. Antoine Defond, gardez toujours en esprit, dans votre pensée, que Dieu est esprit. Là, se trouvait Dieu enveloppé dans un corps. 2 Corinthiens 5, verset 19, dit Dieu était en Christ. God was in Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Dieu qui est esprit habité dans le corps appelé Jésus. Dans Luc chapitre 1, quand Marie, l'ange est venu chez Marie, il dit que tu as trouvé grâce devant le Père. Tu donneras la naissance à un fils, on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera ton peuple de ses péchés. Marie dit, comment? Je n'ai pas une communion d'hommes, je suis vierge. Il dit, ne t'inquiète pas, on a préparé tout cela. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. The Holy Spirit shall come to us. Et le très haut se couvrira de son ombre. And the Holy One shall come by you with his name. Puis il dit. And he says. C'est pourquoi. It is for what? C'est pourquoi. L'enfant qui va venir de là sera appelé fils du Dieu très haut. Donc il est fils du Dieu très haut parce que Dieu a couvert Marie pour partir là-bas. Parce qu'il y a un Dieu là-bas qui a fait encore plus, il est sorti. C'était le tabernacle. Jésus est le tabernacle de Dieu Tout-Puissant. Le corps. Dans Ésaïe chapitre 7. Verset 14, où on avait prophétisé de sa venue. On dit, voici la Vierge deviendra enceinte. Elle va concevoir un enfant qu'on appellera Alors vous avez déjà vu dans la Bible, on appelle Jésus Emmanuel. And have you seen in the Bible where they have called Jesus Emmanuel? Où est-ce qu'on l'appelait Emmanuel? Where did they call him Emmanuel? Pourtant on a dit que son nom sera Emmanuel. Meanwhile, they said his name will be Emmanuel. Quand l'accomplissement de la prophétie vient dans le chapitre de Luc, il dit que tu lui donneras le nom de Jésus. You will give him the name Jesus. Littéralement Yeshua. Literally Yeshua. C'est-à-dire que Dieu est sauveur. Therefore, God is Savior. Donc pourquoi on avait dit son nom serait Emmanuel et on vient on dit que c'est Jésus? Why did they say his name was Emmanuel and later on he became Jesus? En fait, la prophétie ne dit pas qu'on va l'appeler ainsi. In fact, the prophecy does not say they will call him Emmanuel. Ce n'est pas son nom physique. That is not Emmanuel. On lui dit qui sera cet enfant? They just said who will be his child. Cet enfant sera Dieu parmi nous. This child will be God among us. Au verset 9, chapitre 9, on a lu, il a dit ça clairement. Un fils nous est donné et la génération reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Vous avez vu un endroit on l'appelle admirable. Conseiller, vous avez vu. Dieu puissant, vous avez vu quelque part on appelle Dieu puissant. Père éternel, vous avez vu quelque part. On a dû donner les attributs de cet enfant. Sans que ça ne soit son nom. Il a pris un nom au milieu des hommes. Ce nom par lequel tous doivent être sauvés. Amen. Donc cet enfant est né, il est père. Non, pas seulement Père, Père éternel. C'est ce que la Bible déclare, pas vrai Père. Alors ici, dans ce livre, qu'est-ce qu'on allait voir? On voit que quelqu'un a posé la question, montre-nous le Père, et ça va être ce qu'il dit maintenant. Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il vient de répondre à la question que Philippe a répondu, a posé. Mais aujourd'hui, les gens veulent comprendre mieux que Philippe. Il dit, c'est un peu comme j'ai mon enfant, je l'envoie à quelqu'un. Celui qui a vu mon fils. Dieu merci que l'interaction entre Philippe et Jésus ne s'arrête pas là. Parce que si ça s'arrêtait là, on pourrait dire que ceux qui disent cette chose ont raison. Que si j'envoie mon fils, tu vois mon fils, c'est que tu m'as vu. Continuons la lecture. Et comment dis-tu, tu veux le comprendre, oui. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Donc pour montrer clairement qu'il est en train de répondre à sa question, je suis longtemps avec vous, tu ne m'as pas connu. Comment dis-tu, tu cherches encore qu'il y a des pères. Est-ce qu'il a dit non, oui. Continuons. Dis. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Oui. Et que le Père est en moi? Stop. Gardons à l'esprit que Dieu est. Dieu est esprit. Et il dit ici que le Père est en. Vous pouvez voir un être humain qui dit ces choses-là. Depuis que vous lisez la Bible, vous avez vu un être humain qui a un peu dit des choses comme ça. Et il dit que le Père est en. Lui. Et comme le Père est esprit, quand il parle, quand il fait les œuvres, c'est celui qui a l'intérêt qui fait les œuvres. Il n'est pas ici, le Père est quelque part. Colossiens chapitre 2, verset 9 dit que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est ce qui est écrit, frère. Tout Dieu, tout compris Dieu, appelle Dieu le Père, habitait en lui. Dans le jour qu'elle est sortie là, quand elle a fait nien, il était Dieu. Donc pendant qu'il t'était, les saints de Marie, il résolvait tous les problèmes du monde entier. Ça peut être bizarre de la pensée, mais il n'y a pas de moment où il est devenu Dieu. There is no moment that he had to become God. C'est ce que tu veux. Il n'y a pas de moment où il a grandi qu'au baptême. Maintenant, quand il grandit, là, il se baptise. Dieu vient maintenant pour habiter en lui. Il est né, il est Dieu. Amen. On avance ici. Il a dit que le Père habite en lui. Oui. Le verset dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père, oui. Et que le Père est en moi, oui. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Oui. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Vous avez vu ça, frère? Il n'a pas dit le Père qui est au ciel. Non, il dit le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il y a un endroit habite demeure. Le Père est en. Ce mot-là, en, demeure. Vous voyez? Donc il est à l'intérieur de lui. Alors maintenant, il va dire que si ça vous dépasse, mais si ça se fait, croyez quand même à cause de ses œuvres. Continuons. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Je dis à Christ, qui comprend ça? Qui croit? Il a dit croyez. Vous n'avez pas le choix que de croire. Soit vous sortez ou déchirez la Bible. Il a dit vous devez croire que un, lui il est à l'intérêt du Père. On va voir ces volets là tout à l'heure. Écoutez très attentivement. On va voir ces volets là. Et lui, le Père est à l'intérieur de lui. Maintenant, rentrons un peu au ciel. Avant que Marie ne soit sur la terre. Où était Jésus? La personne s'appelle Jésus. Vous avez déjà posé cette question? Il était où? Dans le Père. C'est-à-dire que comme il est assis comme ça, moi je suis en m'asseoir dans lui. Hein, frère? Oui. La parole. Il est la parole. Donc la parole est physique ou comment? Non, spirituel. Donc Jésus est spirituel. Mais là on le touchait. Vous allez lire la Bible, vous le dites. Vous allez lire la Bible. La Bible déclare qu'il habite une lumière inaccessible que l'œil n'a vu et ne peut voir. The Bible says he has a light that was unaccessible that the eye cannot see and will not see. C'est votre Bible qui dit dans Esaïe chapitre 6 verset 11 et 12. C'est pas ça? Il avait quand il a appelé l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Il était où? Where was he? Il dit quand il a appelé l'apôtre Paul sur la route de Damas. When he called Paul. Et il était dans quoi? Where was he? Dans une lumière éclatante qui a même arrivé à l'apôtre Paul. Vous savez qui c'est, frère? Jésus de Nazareth. Et il a posé la question, qui es-tu? Et puis il a dit, Seigneur. Il a dit, qui es-tu? Seigneur. Qui l'a dit, c'est le Seigneur? Who are you? La lumière. Il a dit, je suis Dieu le Père. Il a dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth. Que tu... Dieu a un nom. Amen. Dieu a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'arrive là, j'arrive. Si vous lisez Ésaïe chapitre 25, dans votre version, on va écrire tant messianique par vous. Il va dire consoler le peuple. Tous ceux qui ont les genoux qui fléchissaient et autres. Il va dire, dis à la fille de Sion, je viens. Ton Dieu viendra lui-même vous sauver. Lui-même viendra vous sauver. Il a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Et on dit que c'est lui-même qui va venir pour vous sauver. Puis on dit qu'il n'y a pas de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Mais c'est Dieu sauveur, parce que Jésus dit Dieu sauveur. Oui, c'est Esaïe partout. On parle, on dit qu'il n'y a de salut en aucun autre que le Dieu d'Israël. Dieu dit là-bas qu'en dehors de lui, il n'y a pas de qui s'est formé de Jésus. À côté de lui, il n'y a personne. Puis David déclare à Esaïe 35 que lorsqu'il va venir pour sauver, alors ouvrons les yeux des aveugles. Les boîtiers vont marcher. Les mots vont marcher. Donc, durant le moment où Dieu lui-même va venir pour sauver, voilà, il va vous alors Jésus leur avait dit aux Pharisiens, vous sondez les écritures pour avoir avec un témoignage de moi. Donc ici à Philippe, il dit que si on ne va même pas à quoi, regardez les yeux dans la Bible qu'il est en train de faire et bon, c'est ce qui ne va pas faire. Oui, là, quand Jean-Baptiste était en prison, il a envoyé ses disciples aller dire à Jésus, tu es celui qui doit venir ou bien de vous encore en attendre. Il a dit, oui, un aveugle ici. Vois. Oui, le paralytique, lève-toi. Il dit, allez lui dire que les aveugles voient. Le paralytique marche, les morts sont ressuscités, le roi me fait prêcher. Pour lui dire que Esaïe a dit vrai, ça ne s'est pas fait. Donc, je suis celui-là qui a parlé. Amen. Il n'y a pas de chose que tu dis que c'est moi. C'est que il a fait ce que les deux ont dit qu'il devait faire. Esaïe est en train de dire que quand il va venir, il dit que quand il va venir, alors, sous le nom, il viendra lui-même nous sauver. he will come himself and save you. Il est venu, il a sauvé. He came after this. Comment dit quelque chose avant qu'on passe la parole? Vous pouvez être Timothée 3, vous allez vous serez amusé maintenant. Est-ce que vous êtes Timothée 3? Moi qui vais dire la personne qui va lire, d'accord? Je vais dire la personne qui va lire, parce que je connais vos versions publiques. Tu sais l'histoire? Et si vous la Bible en salle d'un autre, tu dis comment? Est-ce Timothée chapitre 3? Toi, le garçon, il est quoi, pasteur? Il faut qu'il s'assoie à côté de toi. Ta Bible, ouvre la première page de ta Bible. Compte 5 feuilles, toi. 5 feuilles. Quand tu vas arriver à la 5e feuille, on va dire ce qui est écrit là-bas. Compte. 5e feuille. Là-bas, c'est écrit à la 5e feuille, c'est écrit le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? 5e feuille. Donne au pasteur comme ça, parce que compte une première feuille. Allons-y, compte première feuille. Première. Deuxième, troisième, quatrième, puis cinquième. Nous voyons cinquième. Allons, lis ce qui est écrit. Le Nouveau Testament de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au lion écrit, traduit, traduction d'après le texte grec à lui second. Édition, docteur en théologie, version revue 1975. Mais ça, je sais pourquoi. Il y a le pourquoi, je vous demande de lire. Vous êtes avec Timothée, tu vois, nous ne pas encore ici. Et si on a des traductions de plus second, docteur en théologie, c'est ça? Docteur en théologie. Ta part de quelle version? Lui. Non. C'est la version de quelle version? C'est quand même pas la version que c'est. Non, lui second, ça c'est lui second. Lui second. Donc ici c'est lui second. Nous ne pas encore. Toi, tu as quoi? Ma Bible. Oui. Tiens. Ben, c'est bon. Ici, on a un homme. Oui, c'est bon. Allons-y. 1 Timothée 3. Écoutez tout attentivement. Verset 16. 1 des 3. 1 Timothée 3, verset 16. Verset 16. Oui. Étant contredit. Ne dis pas encore là. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Alors, là-bas, dans le second si, on dit que c'est lui qui a été le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté, celui qui a été manifesté dans la chair. On parle clairement là de Jésus, pas vrai? C'est le juste qui est écrit ici. Lisons ici, en faisant. Oui. Écoutez. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Oui. Dieu a été manifesté en chair. Donc, lis toi. Celui qui a été. Tu commences? Oui. Nous sommes versets 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté par chair, distribué par l'esprit, vu des anges, pressé et co-éventif, pris dans le monde, élevé dans la gloire. Quand tu lis ta Bible à la maison, tu sais qu'on avait parlé de qui ici? De Jésus. Maintenant, ici littéralement, il est écrit qui? Il est écrit que Dieu a été manifesté en chair. Donc la personne que nous prêchons, c'était Dieu venu dans la chair. Mais voici le problème. Voici le second qui écrit ici Dieu. Il écrit ici c'est lui. Pourquoi il écrit ici c'est lui? Vous regardez la version grecque de ce verset, donc dans l'original, c'est écrit Théos. Et Théos, ça veut dire Dieu. Vous posez la question, pourquoi quelqu'un change Dieu? Il voit clairement Dieu, en écrivant il écrit c'est lui. On a voulu toujours cacher la divinité du Seigneur Jésus. Mais c'est écrit là que le mystère de la piété est grand. Dieu est venu dans une chair humaine. C'est ce qui est écrit. Dieu a été manifesté en chair, Dieu est entré dans une chair. Dieu qui est entré a pris forme de la chair ou de l'humain flesh. Voilà ce qui est écrit. Donc Jésus-Christ était Dieu manifesté en chair. Quelqu'un dit Emmanuel. Emmanuel. Donc ça dit Emmanuel. Parce que tu as dit Dieu parmi nous. Each time that you will say Emmanuel, you are saying God among us. Donc Jésus était Dieu parmi nous. Le Dieu d'Israël qui était dans les tabernacles. Israel, that was the tabernacle. Dans la colonne de nuit, dans la colonne de feu. Il a quitté la colonne de feu pour entrer dans le corps humain. Il a fait le corps de fer pour entrer dans le corps humain. Quel nom? Mais c'est toujours dans l'église. Non, il est toujours dans le chair. Par le Saint-Esprit. Tu veux ça, frère? Maintenant, écoutez très rapidement. On dit Dieu a été manifesté en chair. God was manifested in flesh. Et on dit mystère. Et quand on dit mystère, c'est quelque chose qui est caché, voilé. C'est pour ça que ça crée problème. That is what it brings. Il doit être révélé. It needs to be revealed. Tout un livre lui est consacré. Everything has been consecrated. Le titre du livre est révélation de Jésus-Christ. The title of the book is the revelation of Jesus. Donc ça vous amuse. Allez dans ce que vous appelez l'Apocalypse, vous allez voir qui il est. Vous allez voir celui qui est assis sur le trône. Vous allez savoir de qui il est question. Au ciel, il n'y a pas de trône. In heaven, there are no two thrones. Il n'y a qu'un seul trône au ciel. Only one throne. Et celui qui juge, c'est Jésus. And he who judges is Jesus. La Bible déclare même dans Acte chapitre 17 que Dieu s'en tenait compte des temps du monde, annonce maintenant tout le monde. The Bible declares that even though without the anointing, he announces everything to all men. Que tous les hommes en plus lui doivent se repentir. That every man has to repent. Parce qu'il a fixé un jour, il veut juger les hommes par les hommes. Because he has fixed a day that he will judge men by men. Par l'homme qu'il a ressuscité des morts. By the man that has resurrected the dead. Donc c'est l'homme Jésus qui sera sur le trône de Dieu. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Alors, Jésus est Dieu. Jesus is God. On le veut ou pas. Whether you want it or not. Découpez-le en trois, il va te reconnaître. Coupez le Père aux envoyés à gauche. Mettez le Saint-Esprit au milieu. Coupez le Fils, mettez le côté. Jésus-Christ est Dieu. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas trois dieux en un. Non, non, non. C'est un seul Dieu qui se manifeste dans les différents attributs. Comme il s'est rabaissé dans la forme humaine, on l'appelle Fils. Because he came down. Parce que son Dieu est bien un père que par qui l'a touché. Non. Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. I will tell you something. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 28. Il dit que lorsque nous disons que toute chose à lui a été soumise. Parlant de Jésus notre Seigneur, il est manifeste que celui qui l'a soumis toute chose est accepté. Après qu'il aurait gouverné et fait régner jusqu'à ce que détruise tous ses ennemis, mette ses ennemis sur son marche-pied, il va soumettre lui-même dans le royaume à celui qui est Dieu et Père. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas, il y aura un seul Dieu cette fois-ci. Dieu sera au-dessus. Tout cette fois-ci. Pas vrai, frère? Mais il y a un problème. On dit Jésus que son royaume est éternel. Il est le roi des rois. Et dans un royaume, celui qui est le plus élevé, c'est. Quand il va régner éternellement en tant que roi, son père sera où? Alors, qui est le roi du royaume de Dieu? And who is the king of the kingdom of God? Quand il va prendre son en tant que roi dans le royaume, son père sera où? When he will take the function as the king of the kingdom, where will be his father? Donc, on va laisser pas lire ta Bible. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous voulez qu'on continue. Non, on continue. Bon, comme vous avez lu la Bible, je vais toujours continuer à citer la Bible, d'accord? Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 9, l'apôtre Paul, enfin, à ce moment-là, il n'est pas encore apôtre. La Bible déclare qu'avec un zèle excessif pour détruire le chrétien, il allait prendre des autorisations. Il went and took authority. À haute pression sacrificateur pour aller à Damas, pour amener les chrétiens, car il va entrer là-bas, chaque chrétien, il les a cherchés, il les a ramenés à Jérusalem pour les chrétiens. quand all the Christians, each Christian is going into Jerusalem. Quand il était en route, when he was on his way, une voix retentit depuis le soleil là-bas, boum. A voice came right straight away from the sun. Il s'appelle qui dans le soleil là? Who is this one in that sun? Il s'appelle qui frère? Jésus de Nazareth. Puis il va dire à un monsieur là-bas qu'on appelle Ananias. And he will tell a man called Ananias. Tu vois dans une maison là-bas, il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Saul qui prie. Il a vu en vision quelqu'un en devenir, il s'appelle Ananias. There's a man somewhere there in the house praying. Ananias lui a dit que peut-être que tu as choisi la mauvaise personne. Tu connais même qui est Saul là? You know who is Saul? J'ai appris comment il a traité les gens qui invoquaient ton nom. I've heard that he has treated those who are invoking your name. Puis donne-moi l'information à Jésus. Comme si Jésus ne connaissait pas. Comme si il ne connaît pas là, il est ici avec l'autorisation des prêtres. Pour amener les gens. Pour amener les gens qui invoquent ton nom. Il voulait seulement dire que si tu vas avec quelqu'un, je suis la mauvaise personne à envoyer vers lui. Parce que tu n'as pas bien choisi la personne, parce que Saul a pris d'un coup dans le sac. Peut-être là que le faux converti. Pour que je vienne parler avec ma sœur, m'amène à Adam à Jérusalem. Le Seigneur a dit, que va, car c'est un instrument que j'ai choisi. Pour montrer mon nom devant les rois et devant les nations. Alors la question c'est, qui a choisi Saul? Sous le Seigneur Jésus, pas vrai? Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, rapidement, rapidement, disons. Que Dieu vous bénisse. Actes chapitre 13. Vous y êtes? Actes des Apôtres chapitre 13. Le verset 2 dit quoi, mon frère? Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barabbas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Qui a appelé Saul frère? Où comme Saul le frère? Le Seigneur Jésus. Je fais des frères. Qui dit qu'il l'a appelé? Le Saint-Esprit. Il donne l'ordre. Il dit: mettez-moi à part Saul et Barnabas, dont le Saint-Esprit parle. Donc le Saint-Esprit n'est pas une force agissante. On dit le Saint-Esprit dit, donc il parle. Jean 14, verset 26, le Seigneur Jésus leur a dit: je ne vous laisserai point orphelin. Il dit: je reviendrai à vous. Puis il dit: je vous donnerai un autre consolateur. Un temps pour envoyer encore, il dit que j'ai prié le Père et il vous donnera un autre consolateur. Donc le Père il dit que Père, les gars là sont orphelins. Envoie la troisième personne de la Trinité. J'ai fini ma mission que la troisième personne qui était sur pas. Il faut délivrer le Pentecôtiste avec les catholiques. Jésus a dit: j'ai prié le Père et il vous enverra un autre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Vous savez de qui il est question, frère? Jésus est le Saint-Esprit. En fait, on a déjà réglé le problème, c'est que le Seigneur, c'est l'Esprit. D'abord, même si nous l'avons réglé partout. Nous sommes en train de confirmer seulement. Donc, on a acte, il a dit: je suis Jésus, c'est moi qui l'ai choisi. Ici, l'apôtre, ici, il dit que mettez-moi à part sur les Barnabas. Le même à laquelle je les ai appelés, parce que le même à laquelle le Fils les a appelés. He never said the work that the Son has called me. Il dit que vous ne pouvez pas dire je les ai appelés. He said the work for which I have called me. Vous êtes avec moi? Donc c'est le Saint-Esprit qui est Jésus. La question maintenant c'est comment il s'est engendré lui-même? How did he get birth to himself? Parce qu'on a lu dans Marc chapitre 1 que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc la chair de Jésus n'est pas le Saint-Esprit, mais celui qui est dedans, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Amen. Ésaïe chapitre 6. Donc les femmes, si vous pouvez distribuer l'eau, pour que les gens prennent les forces, parce que moi, ils donnent l'eau qui coule dans vos seins. Ésaïe chapitre 6. Bon, il y a de l'eau là où vous pouvez boire, mais si vous voyez toute cette autre aussi, ça va vous traverser l'âme. bouleverser la doctrine des prospérités et toutes les autres choses qui sont dans votre esprit. Il faut que le royaume de Dieu se règne dans votre cœur. Amen. On y va. Ésaïe chapitre 6. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 8, mais regardez très bien. Pour qu'on aille vite. Ouvrez Jean chapitre 12. Lorsque vous avez ouvert, vous me dites. Ouvrez, vous mettez quelque chose là-dessus. Je vais en lire quelque chose. Vous y êtes? Mettez quelque chose là-dessus. Ouvrez maintenant Actes des Apôtres chapitre 28. Ouvrez. Pour que nous lisions, on y va. On avance, frère. Actes chapitre 28. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le bon moment comme ça, c'est le meilleur moment de ma vie ici. Prêchez la parole. Enseignez. Pour que vous grandissiez dans la connaissance du Seigneur. Il faut quand vous parlez de Jésus, vous savez de qui il est question. Que c'est le Dieu du ciel qui s'est manifesté dans la chair. On avance, frère. La Bible déclare dans Ésaïe chapitre 6, il dit l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Vous y êtes? Ésaïe chapitre 6. Il dit qu'on commence par Ésaïe. Vous dites avec moi. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Oui. Le temps de sa mort est rempli sur le temps. Oui. De séparation se tenait au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Trois, ils criaient l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint. Stop, stop. Quand les pentecôtistes et les autres voient le verset 3, ils disent voilà, il y a 3. Là-bas, le rapport est écrit, on dit 5, 3 fois, que Dieu, le Dieu 3 fois 5. Donc le premier 5, c'est pour le Père. Le deuxième 5, c'est pour le Fils. Le troisième 5, c'est pour le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, on l'appelle Saint-Esprit, on dit encore qu'il est encore Saint. Donc c'est le Saint, Saint-Esprit. Comme il a dit Saint, Saint, Saint, on dit que c'est le Dieu 3 fois Saint. Parce qu'on a dit Saint, Saint, Saint. Donc le premier 5, c'est pour le Père. Il faut délivrer les pentecôtistes avec les catholiques. La Bible déclare dans le livre de Jérémie que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et dans Jacques chapitre 3 verset 1, il comprend garde des tels afin qu'il n'y ait pas un grand nombre d'enseignants au milieu de nous. Donc, ce n'est pas que chacun se met à enseigner, que il va enseigner parce que tu as vu quelque chose dans la Bible. Tu peux voir quelque chose dans la Bible et tu peux enseigner, ce n'est pas ça. Pourtant, tu as vu dans la Bible. Je prends quatre versets, mais je vais vous citer trois passages maintenant. Je vais à Saul, je vois Saul. Il dit Saül de l'Ancien Testament. Je vois comment les Philistins, venaient pour le combattre. Il a pris le pays, il s'est jeté sur le pays, il s'est tué. Donc il voit que c'est fort, moi je me tue. Judas a vu effectivement, Judas Iscariote a vu que c'était fort, il allait se faire. Et la Bible déclare que le témoignage des deux est vrai. Saul s'est donné la mort ici. Judas s'est donné la mort ici. Donc, je peux me donner la mort. J'aurais raison, frère. J'aurais raison. Mais pourtant, j'ai vu dans la Bible. Donc, faut qu'on fasse attention. Ça veut dire qu'on peut enseigner n'importe quoi dans la Bible, sans que ce soit les choix des choses que la Bible a mis d'enseigner. Dieu montrant que Judas a laissé pendre ne veut pas dire que tu as aussi passé pendre. Le fait que la Bible déclare que Saül s'est donné la mort en se jetant sur le feu ne veut pas dire que si c'est fort, comme quelqu'un te donne la mort. C'est chez les samouraïs que ça se trouve. Tu bois le harakta, tu te retrouves en enfer. Ça c'est clair, n'est-ce pas, frère? Pourtant, c'est la Bible. Donc, ça dit que ce n'est pas parce que les pasteurs ou bien tous les gens enseignent la Bible que ça veut dire que c'est ça. La question c'est, sont-ils été appelés à le faire? Si j'ai été appelé à le faire, Dieu va les donner le pardon qu'ils doivent dire. If you were called to do that, God would give you the word. Et même si tu es dans l'erreur, tu ne dois pas te mettre dans l'erreur. Les erreurs dans lesquelles tu passes sont les enseignements pour toi. You will not hear it permanently. C'est ça, frère. Voilà, pour que tu saches apprécier la vérité quand ça va venir. Therefore, you will know how to appreciate the truth when it comes. Alors le verset 3, verset Ésaïe chapitre 6 dit que les anges, saint se rappellent qu'on a dit saint, saint, saint est l'éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit Ésaïe, oui? Les quatre furent ébranlés dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison s'est remplie de fumée. Oui. 5. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Oui. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Oui. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. C'est bon là-bas. Il y a encore plus de questions ici, plus de problèmes. Est-ce que le roi qui est éternel peut cesser d'être roi? Donc, le king that is eternal can stop from being the king. On dit Dieu est quoi? On avait lu Apocalypse chapitre 19, qui était le roi des rois? C'est qui? Il y a combien de royaumes? Combien? Qui est finalement le roi? C'est Dieu. Pour moi, il dit c'est Jésus. Ils vont diviser le royaume en deux. Hein? Alors maintenant, il dit, Esaïe commence à dire que malheur à moi parce que j'avais au milieu d'un peuple nombreux, pécheurs, et moi je suis dans le péché, et mes yeux ont vu qui? Il a commencé à dire quoi? Le premier mot c'est quoi? Mes yeux ont vu quoi? Qui? Non. Mes yeux ont vu. C'est le roi. L'éternel des armées. Il parle de qui directement? Le Seigneur Jésus. Non, là c'est pas Jésus, on connaît pas que Jésus, c'est le nom qu'il a pris qu'elle est venue sur la chair. C'est Dieu le Père. Mais il y a un problème encore, frère. On a dit que Dieu est. Alors, verset 1. L'année de la mort du roi Ozia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le temps de sa robe remplissait le temple. Donc, comment un esprit porte la robe? How can a spirit wear a garment? Donc l'esprit pas. Dieu est esprit. C'est même ça. Parce que oui. Ce que je vais dire là, je ne tire pas ça des Écritures. Oui. Ce que je dis, je tire ça de ma connaissance du règne spirituel. Oui. C'est-à-dire que, comme Paul l'a dit, il y a un corps céleste, il y a un corps spirituel. Oui. Nous avons vu que Jésus-Christ a manifesté les deux corps. Oui. D'abord, le corps terrestre. Et quand il a ressuscité, le corps céleste, qui lui permettait de passer par le corps céleste de suite. Et il était habillé. Il était habillé. Amen. Voilà. Et dans le règne spirituel, nous sommes esprits. Oui. Mais. Ayant la forme. Oui, ayant une forme. Oui. Bien que ce soit sous forme d'air. Comme une forme qui est sous forme d'air. Oui. C'est qui commence à se présenter. Oui. Bon. Ça veut dire que quand vous voyez un bout de fumée qui est comme ça, c'est un peu comme ça que cela est. Oui. On va dire, mais on remarque les visages. Oui. Donc on remarque les visages. Voilà. Les corps sont tels que nous sommes là. Oui. Mais avec une forme mollusque. Oui. On dirait que. Bon, ils ont une forme. Voilà. Merci beaucoup. Mais ça se définit tel que nous sommes. Donc. Et maintenant, il y a une robe au-dessus. Donc une porte exactement. Oui. Habituellement. Ça peut être deux origines, effectivement. Oui. Les vêtements que le Seigneur a donné. Oui. Ou les vêtements, si on est passé par la terre, à notre départ, on portait ces vêtements. Merci, frère. Dieu God. Est quelle est la grandeur, c'est-à-dire que la grandeur physique de Dieu? Vous riez, mais ce sont des choses que vous devez poser des questions parce que ça touche Jésus. Oui. Donc il est sans limite. Oui. Mais pourtant il est assis sur une chaise. Oui. Il est assis sur une chaise. Oui. Donc, la chaise aussi est énorme. Si par exemple, à ta soif, tu dis que la chaise est plus grande que lui, parce que la chaise doit contenir sa forme. Oui, la chaise est plus grande. Donc, la chaise est plus grande que Dieu. Pourtant, bien est-ce supérieur à Dieu. Non, même si la chaise est sous forme de tabouret, c'est-à-dire qu'elle est partie de son corps qui dépend de la chaise. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de moi, la chaise est égale à Dieu. Non, il est un peu plus grand que la chaise. Donc, il s'assoit une partie de son corps tombe dehors. C'est la robe qui tombe. Le frère qui s'assoit, il n'a pas débordé la chair. Nous sommes d'accord. C'est ça, n'est-ce pas? Et comme il est assis, quelque chose le limite. Sa tête est quelque part. Je vois qu'il y a le vide au-dessus de lui. Donc ça veut dire que si Dieu s'assoit, parce qu'on voit sa tête, au-dessus de lui, il y a quelque chose encore plus grand que lui. N'est-ce pas, frère? Donc au ciel, si Dieu s'assoit, parce qu'on le voit, il y a quelque chose encore au-dessus du vide. Hein, mon frère? Il dit, tu vois, vous allez lire votre vie. C'est l'entendement, les oui. Alors, c'est une représentation que Dieu a donnée pour que notre pensée puisse percevoir. Parce que nous savons que un roi s'assoit sur une chaise. Alors, ça veut dire que Dieu est tellement grand qu'il peut se faire petit pour qu'on puisse le voir. Juste à faire réduit, ça s'est mis dans un corps de bébé. C'est pour ça qu'on l'appelle Dieu Tout-Puissant. C'est ça, être Tout-Puissant. C'est ça la différence entre le Dieu des chrétiens et le Dieu des musulmans. Parce que Dieu nous a dit que non, le Dieu Tout-Puissant ne peut pas engendrer. Dans ce cas, il n'est pas Tout-Puissant. Dieu peut engendrer. Limité. Voilà, il est limité. Dieu, s'il est Tout-Puissant, ça veut dire qu'il peut devenir le rideau. Oui. En étant Dieu, oui. Parce qu'il est tout puissant, oui. Il peut devenir la chair, oui. Tout en étant Dieu, oui. Parce qu'il est tout puissant, oui. Bien plus, il peut devenir un homme, oui. Tout en étant Dieu, oui. Il est le tout puissant, oui. Vous voyez cela? Amen. Je viens de guérir de quoi, frère? Depuis là, je levais le doigt parce que la question pour moi n'était pas trois personnes qui s'associent pour former un groupe. L'enseignement que moi je donne, c'est que Dieu est un, mais tu divises. C'est parti, on ne connaît pas le mot français qui peut être. C'est reparti. Voilà. Et Dieu. Et après il revient, donc il fait... Il y a des trucs là. Il a beaucoup de mouvements. Beaucoup de mouvements. Il ne se coupe pas. Un temps il devient ange. Oui. À un certain moment, il devient humain. Oui. Un temps, il pénètre un animal. Oui. Un temps, il se retrouve au fond de l'eau. Tout en étant Dieu. Tout en étant Dieu. Amen. Alors, en comprenant cela, la question que vous allez me poser, Jésus priait qui n'a plus de sens. Il peut crier Père tout en étant le même Père qui a dit à Thomas, à l'autre que tu cherches qui. Amen. N'est-ce pas lui qui a dit que depuis que j'ai vu avec vous, vous cherchez encore à voir qui est. Ce n'est pas lui qui criait que Père, c'est pourquoi m'a-t-il abandonné. Il y avait deux Pères. La base n'était-il pas entré dans une autre fonction de bipartition ou de tripartition? Parce que, voilà, regardons le baptême oui. De Jésus. Oui. Jésus, qui dit comment? Il dit que le Père, si Dieu l'utilise. Enfin, il a des touchés comme ça, le domaine où on va avancer maintenant. Avance seulement. Allons-y maintenant, dans sa base, c'est bon, on va y avancer. Jésus entre dans l'eau. Une voix parle dans le ciel. Qui parle dans le ciel? Who goes to heaven? Qui parle depuis le ciel? Qui? Vous voulez plus parler, frère, vous n'avez pas dit. Vous avez peur de dire quelque chose, ça pour vous. Qui descend sur lui? Who comes down again? Qui vient sur la porte du colombe? Le on va arranger les choses, d'accord, frère? Il recommence encore. Jésus entre dans l'eau à environ 30 ans. Quand le baptiste sort de l'eau, c'est Jean qui a vu seul ce qui s'est passé. Le ciel s'ouvrait et il vit l'esprit descend sur lui comme une colombe. C'est pas la colombe qu'on fait dans le film, c'est Hollywood là-bas. Le Saint-Esprit, c'est pas la colombe. D'accord. Le Saint-Esprit a été représenté par la colombe parce que la colombe, c'est le seul oiseau qui n'a pas de foi. Il n'a pas de foi. Donc vous voyez que des choses, vous le faites et vous le payez. Il disparaît directement. Vous voyez, c'est de la scène. Parce qu'il n'aime pas l'embrouille, il n'aime pas qu'on le mélange avec les choses. C'est pour ça qu'on a mis la colombe. D'accord, frère? Jésus est le lion de la tribu de Judas parce qu'il est là en tant que roi. La lumière. Vous voyez? Ah, ok. Donc c'est les attributs. C'est pas pour dire que Jésus est un animal. C'est pas pour dire que Jésus est un oiseau. Voilà, donc il y a des gens qui dessinent la Bible avec le signe de l'église, ils mettent l'oiseau sur ça. Ça n'a rien à voir. Mais là, j'arrive. Jésus descend dans l'eau. Lorsqu'il sort, le ciel ouvre, l'esprit descend sur lui. C'est ça, ouais? Quand il était dans le ventre, avait-il l'esprit de Dieu ou bien oui ou non? Oui, oui, il avait l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il descend sur lui? Combien il y a l'esprit de Dieu encore? Donc il a deux esprits alors de Dieu en lui. C'est un seul esprit qui prend deux formes distinctes. Maintenant, je pose la question, j'ai dit ce que je parle tout à l'heure. Qui baptise du Saint-Esprit? Où baptise ton Saint-Esprit? Quand il disait dans Jean 14 que j'ai prié le Père, il vous enverra un autre consolateur. Il devait aller dire au Père d'envoyer quoi? Qui? Finalement, qui baptise du Saint-Esprit? Le Père et Jésus. Donc chacun baptise comme il veut? Non, pas comme il veut, c'est la même personne. Donc en fait, Jésus, en fait, c'est parce que vous avez compris maintenant que Jésus est. Si quelqu'un ne va pas comprendre, c'est la jambe qui va avoir ici. Parce que dans Jean chapitre 1, le verset 20 à 25, Jean-Baptiste a donné ce témoignage de Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Puis dit, c'est celui dont j'ai dit, il était avant moi. Il dit que vous êtes clair que je vous ai dit que je ne suis pas lui, mais je n'étais envoyé que devant lui. Puis Jean-Baptiste dit que celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras devant l'Esprit. C'est celui-là qui baptise le Saint-Esprit. Lui-même se tient là-bas. Il dit que moi je vais prier le Père. Il vous donnera un autre esprit. Un consolateur. Tu vois pourquoi Jésus lui-même embrouille les gens. Dieu dit à Jean-Baptiste que c'est Jésus qui baptise. Les gens sont les gens. C'est Jésus qui baptise. Jésus vient dire que je vais dire que le Père vous baptise. Et la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit l'Esprit du Fils. The baptism of the Holy Spirit that the Spirit. Vous savez ça, frère? Oui. Galates chapitre 4, verset 6 dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs par lequel nous prions Abba. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Fils. Ou bien l'Esprit de Dieu. Ou bien Dieu une fois. Ou bien l'Esprit. Ou bien Christ. Ou tout simplement Dieu. Vous allez tourner le mot condamné, vous allez voir ça partout. Amen. Alors la question maintenant c'est qui est-ce que Esaïe a vu dans ces choses? Vous voyez, vous avez oublié. Je vous ai demandé de ouvrir Esaïe chapitre 6, Jean chapitre 12, Actes chapitre 28. Vous avez oublié, n'est-ce pas? Vous avez oublié, frère? Ça fait plus de 2 ou 3 ans que je suis devant vous, je suis parlé, je n'ai pas encore ouvert ma Bible. Donc peut-être que c'est 18 ans qui veut ouvrir la Bible pour qu'on commence à lire. On avance. Après vous allez fermer la Bible, je vais vous raconter les histoires de la Bible pour que vous compreniez qui il est, d'accord? Je vais vous donner en donnant les références, vous donnez seulement les histoires pour que les yeux s'ouvrent. Vous savez, il n'a pas besoin de dérouler le livre à Emmaüs pour que les gens sachent qui était. Il a fait quelque chose, les yeux sont ouverts. Amen. Donc nous avons vu que Esaïe a dit que je suis habité au milieu d'un peuple de péché et puis mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. La Bible déclare que l'un des séraphins s'est envolé vers l'autel. Il a pris une pincette il a touché sur tes lèvres. Il dit, voici, ceci a touché tes lèvres, tes nuits qui t'ont expiré, tes péchés sont passés. Ton droit est passé. Quand ses péchés ont été effacés, il dit maintenant, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai et qui marchera pour nous. Il faut bien lire ce qui est écrit. Qui marchera pour nous. Je sais dans l'église, j'ai pas dit, c'est pas vous me regardez comme si j'allais lire une autre version de la Bible. Alors il dit, qui enverrai-je? Écoutez très attentivement, parce que quand il va entrer dans Actes des Apôtres et dans Jean, ça risque de vous embrouiller. C'est pour ça qu'il répète pour que vous compreniez. Puis quand Esaïe a été sanctifié, les lèvres ont été sanctifiés, prêts à prophétiser, il a entendu la voix du Seigneur qui a dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Je veux que vous entourez nous. On parle un instant. Vous avez vu cela? L'un des passages que les gens qui soutiennent la doctrine de la Trinité, c'est dans Genèse chapitre 1. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Let's make man in our image and our resemblance. Sans tirer de conclusion, les gens disent que voici la Trinité qui parle ici. Vous avez venu pour quelqu'un, on a dit Saint-Esprit quelque part. On a dit le Fils quelque part dans Genèse chapitre 1, verset 27. Les gens lisent ça, ils disent que c'est le nous, le pluriel. Or, si vous lisez Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Donc le mot Dieu là-bas, c'est Elohim. The word God is Elohim. Et normalement, la tradition devait dire, au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. La traduction normale, littérale est bien. Ça devait être au commencement. Les dieux créa. Parce que le mot là-bas, le verbe là-bas, créer, c'est bara. Et c'est au singulier. Et Elohim est au pluriel. Donc si on devait traduire, c'est au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. Il dit bien Elohim veut dire les dieux. Mais en français, on a traduit Dieu au singulier. Ça commence à poser. Le premier verset de la Bible commence à poser problème de compréhension. C'est pour dire que la suite, avant de lire la suite, il faut que vous mangez bien. Alors il dit au commencement, les dieux créa. Si c'est au pluriel, au sens livresque, ça devait être le dieu créé. Dans ce cas, on dirait donc que plusieurs dieux ont créé. Mais si c'est beaucoup de dieux qui sont un, et que créa c'est plutôt créa qui est là-bas, donc beaucoup de dieux là, c'est la une personne qu'on en avait parlé, donc le pluriel qui est là-bas est singulier. Vous avez vu, mon frère? Oui. Le pluriel est singulier. Je ne sais pas par quel mécanisme, mais le pluriel est singulier. Si vous n'en avez pas, voilà ça qui est créé là-bas. Le pluriel est singulier. Maintenant, quand on va dans la suite, on voit effectivement que tout a été créé par la parole. Every act was created by the word. On n'a pas dit par les paroles. They never said by the word. Donc ça veut dire que c'est une seule personne qui a créé. Dans ce cas, pourquoi on l'appelle Elohim? Why do we call him Elohim? Ou mieux, qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Why do we call him God? Parce que si il dit Dieu, on a... Quand il dit Dieu, vous savez pas si c'est Dieu avec grand D ou Dieu avec petit D. Because when I talk about God, you don't know if it is God with the capital G or the. C'est pour cela qu'il va donner ses autres attributs pour qu'on puisse le distinguer des autres. This is why he will give us another attribute for us. Vous suivez, frère? Him and others. Alors ici, écoutez très attentivement. Esaïe dit que quand il a, quand on a fini de le sanctifier, il a dit, j'ai entendu la voix du Seigneur. He has the voice of the Lord. Qui enverrai-je, qui marchera pour nous. Who will send, that will work for us. Ici, Dieu parle maintenant en tant que pluriel. Yes, God is talking as the plural. La question c'est, quand Esaïe a décrit la scène, il a vu qui? When Esaïe described that scene, who did he see? Il a vu qui? En dehors de l'éternel des amis, il a encore vu qui? Les séraphins. Donc, Dieu parle en tant que lui et les séraphins. C'est ce qui est écrit là-bas. Maintenant, dans Genèse, on dit créons l'homme à notre image. On dit maintenant que l'éternel créa l'homme à son. Pas à leur image. Ça pose un problème. Parce que tu ressembles à qui? À Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si on admet que c'est les trois qui parlent. Donc dans 1 Roi chapitre 22 et dans Ésaïe chapitre 16, on voit effectivement que Dieu chaque fois parle de eux comme lui et les anges. 1 Roi chapitre 22. Et dans Ésaïe chapitre 6, on voit que Dieu parle chaque fois de nous, chaque fois qu'il dit nous, il y a lui et il y a les anges. Amen. C'est ce que vous me saisissez. Dans 1 Roi, il est question de Miché avec Akab, l'histoire d'Akab et de Josaphat, où il y a la vision qui est venue à Miché. Il dit que j'ai vu le ciel, le conseil du ciel s'éteindre et Dieu pourra dire qui marchera pour nous, qui ira pour nous pour saisir Akab. Donc, le fait que Dieu ait créé l'homme à notre image n'a rien à voir avec le Dieu, le Père, Dieu, le Fils, le Saint, ça n'a rien à voir. C'est ce que je voulais corriger avant d'avancer. D'accord. Maintenant, écoutez très attentivement le message d'Isaïe. Lorsque Dieu va dire qui enverrai-je, qui marchera pour nous, il a dit, me voici, envoie-moi. Je veux que vous ayez la Bible devant vos frères. Où y êtes? Et puis une voix va dire, c'est quelle voix qui parle? Va. Which voice is go? Oui. Vous entendrez et vous ne comprendrez point. Oui. Vous verrez et vous ne saisirez point. Oui. Rends insensible le cœur de ce peuple. Oui. Endurcis tes oreilles et bouche-lui les yeux. Oui. Pour qu'il ne voit point de ses yeux, qu'il n'entende point de ses oreilles. Oui. Ne comprend point de son cœur. Oui. Ne se convertisse point. Oui. Et ne soit point guéri. Amen. Amen. Donc, vous voyez que la première prédication des vraies prophéties que Dieu a données à Isaïe, c'était d'aller aveugler Israël. C'était d'aller aveugler Israël. Pour que quand le Messie va venir, qu'il ne le reconnaisse pas. Donc Dieu a décidé d'aveugler ses propres enfants pour nous sauver. J'avais dit ça à un prédicateur, il a jeté sa Bible, quitté la côté de lui. Il dit que tu vas revenir dans la Bible là. Alléluia. Amen. Écoutez très attentivement. Il y a des mystères dans la Bible. C'est pour cela qu'il y a des problèmes. Le cas du Seigneur Jésus, qu'on en a épilogué comme étant Dieu, c'est un mystère. Pour ce cas, on a même dit que ce mystère-là est grand. C'est ce qu'on a lu dans 1 Timothée 3 aujourd'hui. Que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chef. C'est très grand. Donc ça donne davantage dérangé. Il y a encore un autre mystère. Le Romains chapitre 11, verset 25. Dis frère, il dit, je vous dis un mystère, afin que vous ne vous regardez point comme ça. C'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Dans l'incrédulité. Donc Dieu les a endurcis jusqu'à ce que la totalité des païens soit entre eux. All the totality of the pagans should get into. Alors tout Israël sera sauvé. And all Israel shall be. Donc Dieu a enveloppé les certaines catégories de personnes, les juifs, dans l'endurcissement. Some of the people into hardening. Voilà la prédication des saints. J'ai dit ça au pasteur, là que pasteur. Il dit que les juifs restent comme ça parce que nous sommes là. The Jews will remain like this because we are here. Quand la Bible dit que quand la totalité des païens va entrer, il va se retourner vers Israël. When the totality of the pagans will get into. C'est un mystère. Donc la première prédication d'Esaïe, c'était d'aller aveugler Israël. C'est pourquoi quand le Messie était là, il ne pouvait pas le reconnaître. Il regarde, il ne voit pas. Parce que lui-même, il les a aveuglés pour qu'il ne le voit pas. N'a-t-il pas fait avec ses deux disciples à Emmaüs? Amen. Quand il marchait avec lui, il dit, mais vous là, vous deux, qu'est-ce que vous marchez comme les gens qu'on a enlevé le travail comme ça? Il dit que ça ne tient pas dans ta tête. Tu es le seul qui est ici dans la vie, qui ne sait pas ce qui est arrivé. Il faut encore la question que quoi donc? Il dit, mais il dit que tu blagues ou quoi? Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, quand il parlait à qui? Leur yeux était ouvert comme ça. Donc tu veux dire qu'il marchait comme ça? Leur yeux était ouvert. Parce que la Bible déclare qu'ils étaient deux qui marchaient. On dit subitement, Jésus est venu vers eux. Quand Jésus est venu vers eux, ils ont marché sans regarder Jésus. Quand quelqu'un vient étrangement à côté, vous le regardez d'abord, non? Vous lui dites bonsoir, bonsoir, pas vrai? Est-ce qu'on peut cheminer ensemble? C'est la bonne manière. Il marche, donc bonsoir, bonsoir. Il le regarde, il continue à converser, il marche comme ça, il ne sait pas Jésus. Vous ne connaissez pas vraiment Jésus là. Donc il a avec lui-même son propre peuple, marché au milieu de vivre là-bas, ils n'ont pas reconnu. Le problème c'est qu'il vient dire encore qu'elle est venue chez les gens, et ils l'ont pas reçu. C'est comme s'il est fâché, comme si on ne l'a pas reçu. Alors que c'est lui qui les a aveuglés. C'est pas lui qui a dit ça ici. Pendant qu'il allait dire comme ça, est-ce que le peuple qui du temps de Messie était déjà là? Ça c'est 800 ans avant. Donc il a aveuglé 800 ans avant. Vous entendez, frère? Et il lui relève qui il veut. C'est pas ça? C'est le Dieu là où la Bible là-bas. Quand tout ce niveau de prédication, quand vous êtes un enfant, vous l'amenez encore davantage. S'il n'est pas votre père, vous fâchez, vous partez. Parce que vous avez dit que dans ce cas, pourquoi il va juger encore les gens? La Bible répond à ces questions-là, c'est qui pour juger Dieu? Amen. Alors, écoutez très attentivement. Ici, il envoie donc aveugler Israël. Vous êtes d'accord? On va résumer quelque chose. Ici, Esaïe a vu qui? Vous êtes d'accord, frère? Jean chapitre 12. Jean, le chapitre 12. Vous avez demandé aujourd'hui, tu allais regarder là-bas, non? Verset 37, pasteur, allons-y, verset 37. À partir du verset 37, jusqu'à ce qu'il y ait 10 tops. Verset 37. Oui. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas dans lui. Et il, qui a fait les miracles, c'est qui? Jésus. Jésus. On dit malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence. Qui a fait le miracle? Jésus. Donc il est mis pour Jésus. Il y croyait pour les Juifs, il croyait point. Oui. Continuons la lecture. Et Jésus, afin que s'accomplisse la parole qu'Esaïe le prophète a prononcée. Oui. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Oui. Et à qui le bras du Seigneur a été redonné? Ça, c'est la Esaïe 53 qu'il vient citer là maintenant. Continuons. Et après, il va dire que. Et ainsi ne pouvait-il croire? Oui. Parce qu'Esaïe a dit encore. Stop. Donc, ils disent qu'ils n'ont pas cru conformément à la prédication parce qu'ils avaient dit que qui a cru. Lui dit en fait, même ils ne voulaient même pas croire parce qu'ils avaient aussi avait dit encore. Lisons. Il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur. Oui. De peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et qu'ils ne les guérissent. Stoppons là-bas. Nous avons vu clairement qu'il ne pouvait pas croire à cause de ceci. Ça, c'est vrai. Que Dieu était en œuvre. Voilà, Dieu était en œuvre. Donc nous avons vu clairement que Dieu les avait aveuglés. L'évangéliste dit que, mais en fait, même, on s'est questionné pourquoi. Ils ne voulaient même pas croire parce que c'était prévu qu'ils ne croient pas. Parce qu'on les avait aveuglés. Mais attendons, c'est même pas là le problème. On aime l'avancer quelque part. Je recommande la question que j'ai posée. Quand Esaïe avait vu dans Esaïe chapitre 6, il avait vu qui? Il avait vu qui? L'Éternel des armées. C'est ce qu'on a écrit là-bas, non? Oui. Continuons la lecture. Et 41. Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Stop. Vous avez vu ce qu'il écrit? On dit Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire. La gloire de qui? L'Éternel des armées. Non. Jésus. Non, pas l'Éternel des armées, c'est-à-dire Jésus. Non. On a lu Esaïe, on a lu Esaïe, on l'a isolé, on l'a déposé là-bas. Oui. Quelqu'un qui lit Jean, sans connaître Esaïe. Oui. Il a dit que malgré tant de miracles qu'il fit en les présents, il ne croyait pas en lui. Il s'y est mis pour qui? On ne peut même pas croire en lui parce qu'Esaïe avait encore dit qu'il a aveuglé les yeux et ainsi de suite. N'est-ce pas? Oui. On dit que Esaïe disait ces choses-là, il est fini là qu'Esaïe disait ces choses quand il a vu sa gloire. Ça a mis pour qui dans ce passage? Oui, Jésus. et qui parla de lui. Isaïe parlait comme ça de qui? De Jésus. Quand on lit Isaïe chapitre 6, on voit qu'Isaïe avait vu qui? L'Éternel des armées. Donc Isaïe dit clairement, Isaïe et Jean, si tu rencontres, il dit que si Isaïe dit à Jean que toi tu avais dit qui là, c'était Jésus que tu avais vu. Il dit, ah, donc celui qui avait vu là, c'est lui que vous appelez Jésus, il dit oui. Il a dit, ah, gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, et Jésus a dit que les prophètes ont soupiré, voir ce que vous voyez. Ils ont soupiré, ils ont pleuré que ouais, qui me fait naître au jour de Jésus. Quand il a dit ça, les gens le regardaient sur les pieds, les gens même vont les pieds. J'ai même entendu l'autre jour dire qu'il n'a même pas la maison. Il n'a pas où habiter là. Il n'a même pas là où mettre la tête. Mais c'était le Dieu puissant. Amen. Amen. Vous entendez ça? Oui. Maintenant, nous venons de voir que Isaïe a dit une partie de l'écriture, il a dit clairement ce qu'il a vu. Il a dit que c'est l'Éternel des armées. Et puis, là, on dit qu'en réalité, il avait vu la gloire de Jésus. Parce que là-bas, il ne s'appelait pas Jésus. Dans l'Ancien Testament, il avait une autre appellation. Celui-là, il appelait cette appellation-là. C'est quand l'ange, il est venu dans la chèque, l'ange a dit que son nom maintenant, c'est Jésus. Il allait progressivement. Je suis le Dieu, je suis celui qui est. Après, l'avant, l'ange de l'Alliance, le message de l'Alliance, après, il dit le nom de Yeshua. Dieu s'est révélé en chair, il a pris un nom parmi les hommes. Amen. Puis, Isaïe, Acte chapitre 4, verset 12, il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel on a été sauvé. Il n'y a pas le nom. Le nom, ce nom-là. Vous y êtes là, frère? Alors, Isaïe 10 et Jean 12 concordent pour dire que la personne qu'on appelle Isaïe Isaïe, c'est la personne qu'on appelle Jésus. Oui ou non? Vous voyez que chaque fois qu'on a des problèmes, ça colle. La Bible colle partout, pas tellement sans problème. N'est-ce pas, frère? Mais il y a un problème maintenant. Acte chapitre 28. Je crois que quand vous allez sentir la fatigue, vous allez sentir la fatigue dans vos membres. Moi, je commence à plutôt être fort là-dedans. C'est la seule qui a dit à son cœur que j'ai une réunion quelque part, il faut que je rentre vite. Acte des Apôtres chapitre 28, j'ai dit ça aujourd'hui. Dans le dernier chapitre. Le dernier chapitre, le chapitre 28, nous y sommes. D'accord? On y va, frère? Oui. Tu vas lire à partir du verset 22. Normalement, ça se trouve derrière, d'accord? Oui. Verset 22. Oui. Écoutez. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses. Car nous savons que cet effet rencontre partout de l'opposition. D'abord, l'apôtre Paul se trouve à Rome. On l'avait amené en prison. Il a loué une maison, il a dû là pendant 2 ans. Les juifs qui étaient là-bas venaient de voir. Dit que on a entendu que tu as créé une secte là. Et partout, ça passe à rencontre des oppositions. Nous sommes venus pour que toi, tu nous dises de quoi, dans cette secte, on entend quoi aux juifs. Continuons. Il lui fait un jour. Et plusieurs verront le trouver dans son logis, pour leur annoncer le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. Stoppons là-bas. Amen. La loi de Moïse, c'est quoi, frère? Qu'est-ce qu'on appelle la loi de Moïse? Quand la Bible dit loi de Moïse, qui ne cherche pas la loi de Moïse? Il a parlé des livres de l'Ancien Testament, donc principalement la Pentateuque. Donc l'apôtre Paul, étant assis dans la maison avec ces gens-là, c'est qu'il avait, il n'avait pas les livres que nous avons maintenant, Romains et autres. Il n'avait pas. Les seuls qu'il avait, c'est l'Ancien Testament. Et il parvenait à leur montrer dans l'Ancien Testament que la personne qui est là, qui est mort et ressuscité, c'est lui ici qu'on parle ici. Tant que dans l'Ancien Testament, ce n'est écrit Jésus nulle part. Tout à l'heure, je vais aller faire le même exercice que vous maintenant. Je vous montre par les Écritures là que Jésus-Christ là est Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament seulement. Et en fait, nous avons vu ça tout à l'heure. Ça ne fait pas de comparaison pour que vous voyez. Parce que s'il y avait quelque chose qui clochait entre les deux, c'est qu'on aurait un problème. Mais chaque fois que nous allons prendre, que ce soit sur le thème du Seigneur, roi et autres, on voit que c'est la même personne. Amen. D'accord, frère? Oui. Maintenant, continuons la photo pour aller. Allons-y. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Et si j'ai commencé à 10h, il est 14h. Et on parle comme ça de la personne de Jésus. On dit que du matin jusqu'au soir. On a fait des 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 4h seulement. Du matin jusqu'au soir, ça fait combien de temps, frère? 12h. 12h de temps. Au moins, nous avons la pause pour prendre de la nourriture et des fruits. Donc, je peux continuer jusqu'au soir, non, frère? Oui, oui. Continuons. Et les œufs furent persuadés à ce qu'ils disaient. Oui. Et les autres ne furent pas. Mais remarquez maintenant qu'ils ont lu dans la même écriture. La propos a dit la même chose, ils sont sortis deux groupes. C'est ça, non? On dit les gens furent persuadés par ce qu'ils disaient. Donc ils ont pu comprendre que, waouh, Deutéronome 18, c'est vraiment le métier que nous avons parlé. Waouh! Donc quand Abraham a dit dans Genèse chapitre 15 que les ténèbres étaient sur la terre, c'était lui qu'on crucifiait. Waouh! Donc Abraham parlait de la crucifixion. Dans la Genèse, on parle de la crucifixion. Genèse. Continuons, frère. Et verset, comme ils se retiraient en désaccord. Vous avez vu ça? Ils se retiraient en désaccord. Ils sont venus pour demander la secte, le programme de la secte. Les enfants de la secte. Ils sont sortis en désaccord. Donc, encore comme il y a des gens qui avaient vu, c'est la dernière fois qu'on marche. La parole de Dieu ne doit pas vous laisser différent. Si vous entendez la parole, votre jugement commence à cet instant-là. Vous entendez cela une fois? Avançons. Point ajoutant que ces mots. Écoutez tout attentivement. C'est avec raison que le Saint-Esprit, oui, parlant à vos pères par le prophète Esaïe, a dit. Oui. Verset, va vers ce peuple. Et dit, oui. Vous entendrez de vos oreilles et oui. Vous ne comprendrez point. Oui. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Stop, stoppons là-bas. Qui est en train de parler dans Actes des Apôtres? Il dit que c'est avec raison, quand les gens parlaient, il n'ajoutait que ces paroles. Il dit que c'est avec raison que qui parlait à votre père par le prophète Isaïe? Le Saint-Esprit. Et ce qu'il a cité là, on a lu ça dans Isaïe combien aujourd'hui? Isaïe 6. Mais qui avait parlé à Isaïe là-bas? L'Éternel des Israël. Il vient de dire ici que l'Éternel des Israël, c'est qui? Le Saint-Esprit. Fermez la Bible. Amen. Fermez votre Bible, alors. Amen. Alors, par le même passage d'Esaïe, on a vu qu'on ne s'intéresse pas à Jésus. Oui. Par le même passage d'Esaïe, on a vu qu'on s'intéresse pas à Dieu le Père. Amen. Par le même passage d'Esaïe, on a vu qu'on s'intéresse pas à Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est un autre nom qu'on veut dire Jésus. C'est un autre nom qu'on veut dire Dieu. C'est un autre nom qu'on veut dire Père. C'est pas pour rien que la Bible déclare, fait venir la même écriture plusieurs fois. Alors, quand je me dis plusieurs fois, en faisant plusieurs façons, il a nous amené la lumière. Amen. Tu lisais Zacharie, chapitre 11. Vous avez commencé à citer cela. Tu lisais Zacharie, chapitre 11. Vous lisez Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Vous allez remarquer que dans Zacharie, il a dit au prophète que va prendre les 30 plaies. Ces hommes-là, ils m'ont estimé. Il dit qu'il a pris cette plaie, il a jeté dans le temple d'Israël. Il a servi le champ pour le foutre. Pour acheter le champ des potiers. Le champ. Alors, Zacharie dit clairement dans ce livre là-bas que c'est l'Éternel des armées. Le prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Donc on a estimé le Seigneur Dieu des armées à 30 pièces. Vous venez dans Matthieu chapitre 27, à partir du verset 7. On voit clairement que c'est Judas qui est venu vendre de Jésus à 30 pièces. Il est revenu et remettre les 30 pièces. On a dit que non, on ne peut pas mettre ça dans le son de l'offrande. Il a fait ça dans le temple. Exactement comme Zacharie disait. On a pris ça, mais on dit on va faire quoi avec. Il fallait acheter le champ pour la sépulture. Amen. Comme Zacharie disait. Le problème dans Zacharie, c'est que l'Éternel des armées avait dit que cette 30 pièces auxquelles ils m'ont estimé. Donc il dit que c'est lui qu'on a travaillé pour 30 pièces. Mais dans le Nouveau Testament, on voit que c'est Jésus qu'on a travaillé pour 30 pièces. Donc l'Éternel des armées, c'est Jésus. Amen. Vous y êtes? Amen. Vous lisez Malachie chapitre 3, le verset 1. La Bible déclare, voici, j'enverrai mon messager devant ma face. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Amen. Quand mon messager va préparer le terrain, et soudain, donc après ça, le Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. Le Seigneur est esprit. Le Seigneur que vous cherchez, Dieu est esprit. il va entrer dans son temple. Après que quelqu'un ait préparé son chemin, dit l'Éternel des armées. Alors il s'est tiré là-bas un jour dans Jean chapitre 2. Il dit détruisez ce temple. Et je le rebâtirai en 3 jours. Amen. Ils ont dit que ta tête ne tient pas. Il a 46 ans. Lui dit que détruisez ce temple. Et il dit que tu parles du temple là. Et le Seigneur leur avait dit que vous pouvez entrer dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez. Donc Dieu s'est fait chair dans un tabernacle humain. Il a dit que ce tabernacle est destiné à être détruit pour 3 jours. Après, il va ressusciter. Mais le vrai problème encore dans cette phrase de Jésus, c'est qu'on a lu aujourd'hui dans Éphésiens chapitre 4 et dans Romains chapitre 8 que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit of Jesus, the spirit of the one who resurrected. Wait, là, on dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, on a dit aujourd'hui dans Romains. Oui. Donc on voit que c'est quelqu'un d'autre qui ressuscite Jésus. Mais Jésus se tient là-bas et dit détruisez ce temple. Et je le rebâtirai en 3 jours. Qui est en train de parler aux Juifs là, frère? Tu vois que c'est le Père qui parle, n'est-ce pas? Amen. Je crois qu'on doit prendre une pause maintenant. Alléluia. Levons-nous, prions. Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, prient que Jésus est Dieu chaque fois sans s'en rendre compte. On veut prier là. Il veut dire cela avant de prier. Il dit bien, tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, prient que Jésus est Dieu en priant. Mais dans leur démonstration intellectuelle, ils refusent de croire cela. Mais quand tu fermes tes yeux, tu vas prier, c'est en esprit qu'il va prier. L'esprit te manque, il est Dieu. Quand tu dis, oh Seigneur, notre Père qui est ciel, quand j'ai quelqu'un, que ton nom soit sanctifié. Après, quand tu manques de mots, tu dis Seigneur. La Bible déclare que Dieu a fait Seigneur et Jésus, que c'est Jésus que vous avez crucifié. Quand tu dis notre Père qui est au ciel, toi c'est Seigneur, tu es notre Père. You alone, Lord, you are our Father. Tu viens de dire que Jésus est ton Père. Et tu viens de dire que c'est lui qui est le Père qui est dans le ciel. Donc arrêtez, ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, croient que Jésus est Dieu. Ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, disent que Jésus est Dieu sans s'en rendre compte. Avant qu'on ait pris, prenez la Bible, on lit un dernier passage. Que Dieu vous bénisse vraiment. Un dernier passage. Je vous aime dans le précieux nom du Seigneur Jésus. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Vous y êtes? 1 Jean chapitre 5. Que Dieu vous bénisse vraiment. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. 1 Jean chapitre 5. Je veux que vous tous vous gardiez les yeux là-dessus. Donc pendant qu'il dit 1 Jean chapitre 5, il y a le frère qui est dans Jean chapitre 1, verset 5. Donc, il est dans Jean chapitre 1, verset 5. Donc là, il est lié. 1 Jean chapitre 5, frère, lis le verset 19. Nous savons que quiconque est né du 19. Nous savons que nous sommes des dieux, oui. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Oui. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est pas fini. 21. C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui ça? Et Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable. Encore. C'est lui qui est le Dieu véritable. Encore Jésus-Christ est le Dieu véritable. Encore Jésus-Christ est le Dieu véritable. Encore Jésus-Christ est le Dieu véritable. Encore Jésus-Christ est le Dieu véritable. La Bible dit que dans 1 Jean chapitre 5 verset 21 que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Encore dire à quelqu'un que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Il doit dire alors à quelqu'un. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et puis il dit, et la vie éternelle. Donc vous savez maintenant qui est Jésus, pas vrai? Oui. Donc Jésus-Christ, il dit nous savons aussi, nous, il savait cela. Celle-là est la petite enfant, gardez-vous des idoles. On n'est pas dans gardez-vous des idoles. La prochaine fois on va voir cela. On va voir ce que c'est que l'idolâtrie. D'autres personnes, les maris idolâtres, les travail c'est l'idolâtrie, les idoles. Alors, la Bible nous dit de retenir ici que nous devions savoir cela que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc ça veut dire que si avec les endroits, tout ce qu'on a dit aujourd'hui là, si c'est ambigu ici, c'est clair. Il dit nous savons, il est venu pour nous donner de l'intelligence. Afin que nous connaissions le vrai Dieu. Maintenant comme il est venu, nous avons cette intelligence. Maintenant qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc quand il a répondu à Philippe aujourd'hui là, ils ont compris que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc s'il avait dit aujourd'hui qu'il n'était pas la vie éternelle, on pourrait encore comprendre. Ici il dit Dieu véritable et la vie éternelle. Et là il a répondu à Philippe que depuis que je suis avec M. Mbakon, il a aussi dit qu'il était la vie éternelle. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ est le Dieu véritable. Amen. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. En toi, nous sommes confiés aujourd'hui et tu t'es révélé à chacun de nous. D'être révélé encore à ton peuple à travers le monde, Père de gloire, qui ne te connaissait pas. Amen. Seigneur, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre, car tu es le même hier, aujourd'hui pour toujours. Amen. Tu es celui-là qui est, qui était et qui vient, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, règne dans le cœur ici, règne en ces lieux, règne dans nos vies, règne, Père de gloire, devant tous ceux et dans la vie de tous ceux qui nous écoutent maintenant. Que toute la gloire te revienne, Père. Je recommande ce peuple entre tes mains, afin qu'ils grandissent toujours en toi et que tu les conduis dans le sentier de la justice. Que tu te révèles à chacun de nous et que tu mettes chacun de nous à la place que tu as destinée pour nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon cher. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous saluer les uns et les autres. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Que le Seigneur te bénisse, mon cher frère. Que le Seigneur te bénisse.